Hi. I could use a story. Pretty crazy though, baby. Sound wonderful. I like. Do you like that? I think it sounds wonderful. All right, here we go. Quiet, please. Roll them. We rolling? 20453 comes love. Take two. Bonjour, bonjour, vous êtes bien toujours sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez maintenant Bulle de Rêve, l'émission consacrée au cinéma d'animation, à l'image par image. Vous rentrez dans une bulle, dans un igloo, ouais, je sais, elle est facile. C'est le premier morceau que vous écoutiez de Karen O and the Kids, qui était le début évidemment de Where the Wild Things Are, Max et les Maxi Monstres en français. Et vous venez d'entendre juste un tout petit peu de la voix d'une grande dame dont on réécoutera un morceau complet. On entend juste un petit bout de Billie Holiday. Et on réécoutera ça un petit peu plus tard. Une émission où il y a moins de monde que d'habitude. Voilà, mais c'est bien aussi de ne pas avoir forcément plein de monde dans le studio. Deux invités en particulier, Violaine Écuyer, bonjour, qui est là maintenant. Hop, on va lui donner le micro. Et Émilie Mercier, Violaine va venir nous parler du son nom, évidemment, de son court-métrage et puis de un petit peu de son parcours. Et Émilie, qui elle était déjà venue il y a 3 ans maintenant, juillet 2007. Si vous regardez, alors Florentine va vous dire bientôt, le site Bulle de Rêve, ça y est, est en ligne. Pour l'instant, j'ai mis déjà, au moins si vous voulez réécouter, alors ça va peut-être pas être évident d'écouter en même temps l'émission et réécouter ce que vous avez, mais voilà, vous avez le passage, quand Émilie était passée en juillet 2007, Bulle de Rêve, j'ai mis ça sur The Web Annie, mais ça sera mis évidemment sur Bulle de Rêve. Très rapidement, voilà, mais tu vas le redire, on va le redire plusieurs fois parce que c'est la grande nouveauté. Et donc voilà, donc vous pouvez entendre, Émilie, elle nous parlera, donc on va pas trop parler de son parcours parce qu'elle nous en avait beaucoup parlé il y a 3 ans, mais là on va parler vraiment de Bisque Lavrette qui est en avant-première ce soir au studio des Ursulines à 20h30. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, c'est en entrée libre. C'est entrée libre. Et voilà. Voilà, donc on a, ça va, Florentine évidemment, va nous parler de... on va commencer dès maintenant. Est-ce qu'on commence dès maintenant ou on fait une petite pause musicale? Parce qu'on a plein, on est un petit peu tranquille. Et je te sens prête à partir. Allez, j'attaque l'agenda. Allez, alors, c'est parti pour l'agenda. On t'écoute. Donc, l'agenda, à partir d'aujourd'hui jusqu'à à peu près mi-mai. On n'est pas encore sûr de la prochaine date de l'émission, mais voilà, enfin un peu ça. On est comme ça, où on fait tous les 15 jours, tous les deux mois. Voilà, c'est ça. C'est pas encore si ce sera mi-mai ou peut-être début juin, mais donc à part Bisclavrette ce soir, on a une projection à l'auditorium du Louvre, donc un lieu que c'est la première fois que je le cite dans l'agenda, qui pendant les vacances scolaires propose deux séances d'animation. La boutique des pandas le 11 avril à 15h, qui sont quatre courts-métrages des studios d'animation de Shanghai, et le corbeau et un drôle de moineau le 18 avril à 15h, qui sont quatre courts-métrages de l'institut iranien Kanoun. Voilà. Ensuite, on a trois événements qui se passent en dehors de Paris, un peu pour une fois. Le festival L'Étoile Filante, du 13 au 17 avril à Pessac en Gironde, qui est un festival de cinéma jeune public, voilà, qui fête sa 7e année, et avec des projections de longs-métrages, dont le dernier Gary Berdin, dont on a déjà beaucoup parlé à l'antenne. My My Miracle de Katabuchi, Une vie de chat et La Flûte enchantée. Tu l'as vu finalement, vu un petit canard, non? J'ai vu que la fin au festival Image par Image, donc je l'ai pas vu en entier encore. Voilà, et donc La Flûte enchantée d'Emmanuel Luzzatti et Giulio Giannini. Giannini, c'est ça. C'est ça, ouais. Des réalisateurs italiens, et par contre, ça je l'ai vu, c'est très bien. Ouais, voilà. C'est court-métrage, et c'est les... Voilà, donc ensuite on a le FICAM, là c'est même pas en France, c'est au Maroc, à Meknès, du 15 au 20 avril, donc Festival international du cinéma d'animation de Meknès, qui revient cette année avec un focus sur la Russie. Donc là c'est 6 jours, c'est un peu plus court, avec des projections, des ateliers et l'été à l'amande d'Alexis, qui va nous dire peut-être un peu plus sur le festival. Alors oui, le FICAM cette année c'est un petit peu plus court, vous savez qu'on en parle souvent, je vous ai dit pourquoi on en parlait, notamment du FICAM, on pourrait parler évidemment... avec Clémentine, Florentine, comme c'est bizarre, je connais pas Clémentine en plus, Florentine va nous redonner évidemment le mail, et il faut absolument que vous nous disiez, on est certes parisien, Radio Libertaire c'est à Paris pendant très longtemps, puisque ça émet à la radio, mais maintenant qu'on émet via internet, c'est dans toute la France et dans le monde entier, donc n'hésitez pas surtout à nous donner vos agendas, voilà, et vos événements, et variés, on va vous redonner le mail tout à l'heure, mais donc voilà, le FICAM c'est quelque chose d'important, c'est au Meknès, c'est donc au Maroc, à Meknès, et on en parle souvent ici, non seulement parce que je travaille maintenant aussi là-bas en collaboration avec Bioud Mohamed, qui est le directeur artistique du festival, mais parce que je pense que c'est un festival qui est intéressant, c'est un festival qui justement est là pour un partage et pour donner et les gens qui vont là-bas, alors comme toujours dans ces cas-là, les invités c'est ou tout l'un ou tout l'autre, c'est ou donnent beaucoup ou sont là-bas en vacances. On espère qu'évidemment les gens vont avant tout là-bas pour donner, mais c'est un festival qui est important pour ça, commencer à créer une structure d'animation, commencer à créer des gens qui vont travailler dans l'animation, et si possible leur donner aussi une envie de faire de l'animation comme on l'aime, et tenter aussi qui travaillent leur propre culture et non pas forcément qui retravaillent ce qu'ils ont tendance à faire, ce que tout le monde a tendance à faire dans ces cas-là, du Pixar ou du Disney, mais qui travaillent avec leur propre culture qui est si riche. Donc voilà, donc ça c'est important. Et il y a du monde incroyable qui est venu, hein, Takahata, Isao est venu là-bas, Yamamura Koji, des gens de Folle Image sont passés, Florentine Grelier, enfin voilà, il y a plein de gens incroyables, Cohenman, Bobby Paul Drissen. Voilà, c'est important. Voilà, des gens, non, mais en plus des gens Gabriel Chacal, enfin il y a plein de gens complètement différents qui sont venus, c'est intéressant. Donc, le festival est plus court cette année, c'est du 15 au 20 avril. Il y a, comme d'habitude, des cartes blanches. Alors, il y a une carte blanche 3A. 3A, pas le studio, mais le 3A, l'atelier d'animation d'Annecy. Vous allez voir en plus que c'est bien, parce qu'il y a un mélange aussi. Vous êtes Disney, mais là, il y a les 3A, par exemple. Il y a MacGuff juste après. Il y a Canal+, France Télévisions et Kazé. Donc, vous voyez, on a des choses qui sont complètement différentes. Kazé étant spécialisé en cinéma japonais. Il y a une compétition de court-métrage, toujours... intéressante, où on voit pas mal de choses un peu du monde entier, qui mélange étudiants et films pro, comme on dit. Projection de long métrage à l'Institut français, au théâtre El Menouni et à la place Lala Aouda, là que je connais pas, ça a changé cette année, mais qui est toujours important, plus au Fondouk. Fondouk, c'est, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle, si vous aviez pas écouté l'émission, avec Beyoud, c'est un endroit où des gens, ou des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, qui sont souvent même mendiants, et vont. Il y a un cinéma qui a été racheté maintenant, même, et qui est devenu un vrai cinéma, enfin qui est devenu un cinéma, et voilà, et ça permet aux jeunes d'aller voir des films en salle, en tout cas sur un grand écran, donc c'est quelque chose de très bien. Alors là on a tout, on a sur les différentes projections, Aller raconte, Apple Seed, Brave Story, Une vie de chat, L'apprenti Père Noël, Un été avec coup, 5 semaines par seconde, oui, comme Kazé et invité aussi pas mal de choses japonaises, Réponse, Le professeur Layton et la diva éternelle, Brendan, Moi moche et méchant, Choupi, Les naufragés de Carthage 3, qui est un film, si je dis pas de bêtises, normalement tunisien, dont on avait déjà vu des bouts au FICAM, Les triplets de Belleville, Les sept frères, Toy Story 3, Megaman, Kirikou les bêtes sauvages, Prince et princesse, Animaux et compagnie. Donc on a du très bon et on a du très mauvais. Mais c'est bien parce qu'il faut un peu mélanger tout et que même si en effet on a Animaux et compagnie là-dedans qui doit quand même pas être très bon, je vois pas. Je sais qu'on des fois on me dit que j'exagère, mais là quand même, je pense que ça devrait quand même pas être excellent. Enfin voilà, mais on a d'autres choses très intéressantes. On a un focus en effet sur la Russie avec notamment Constantin Bronzit et Alexandre Petrov, donc deux poids lourds quand même en effet, voilà. Hein. Et dans des masterclass, Petrov montrera évidemment comment il travaille. Comme l'année dernière, on a oublié, alors que Violaine est là et qu'elle nous en parlait, c'était l'année dernière, il y a deux ans, Florence Miaille, c'était l'année dernière, était venue, avait fait elle aussi une démonstration. Alexandre Alexeïev, on prononce comme ça, je crois, hein, alors que c'est deux EV, alors qu'il lui n'est pas russe, qui est, je crois, hongrois, je crois, mais qui travaille, ou alors il est russe, mais il travaille en Hongrie, enfin, il y a, je ne sais plus trop, mais voilà, vous corrigerez, Alexandre, Alexeïev, A-L-E-X-E-E-V, dont on se souvient qu'il avait fait des petits films très, très drôles et très courts. Il y a des expos, il était d'une fois des milliers d'images animées, je sais pas ce que c'est, un expo sur Aziz Oumoussa, qui a un grand prix, qui a été grand prix d'achat de l'animation, qui a un grand prix qui est donné à, lors du festival, voilà notamment et un hommage à Abdelkrim pardon Onazani, je prononce peut-être mal, j'écris très très mal, je suis désolé. Et il y a alors quelque chose qui nous intéresse énormément à chaque fois qu'on y va, c'est le dimanche matin, vous ne serez pas tous à Meknès, mais j'essaierai de vous en faire part, un panorama des courts-métrages marocains. Donc évidemment c'est quelque chose qui est toujours important de voir où en est pour l'instant le cinéma marocain, et c'est important de voilà, ça nous permet, un peu comme Anima permet par rapport à la Belgique, ou maintenant Brûle permet par rapport au cinéma français, de montrer le plus possible de films qui passeraient pas forcément en sélection officielle, mais au moins qui sont importants de voir. Les Talamandes, que j'aurai le plaisir d'animer avec Didier Brunner, Jean-Christophe Roger. Belle équipe. Des gens que je ne connais pas, un monsieur qui s'appelle Pernaud. Alors Valérie Sherman, je connais. Jacques Cambra, Yann Voisy, merci Bayoud pour m'avoir mis des gens comme ça que je ne connais pas mais qui sont sûrement très intéressants. Et il y aura aussi Constantin Bronzit, Alexandre Alexeïev et Alexandre Alexeïev, oui. Et Alexandre Petrov. Voilà donc. Il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas, ça va être de toute façon intéressant. Et on finit avec des conférences sur la naissance du cinéma d'animation. Je sais pas qui va la faire. Ça va être une surprise, mais j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si Ilan, qui était là la dernière fois, sera à Meknès. Un sur le livre Jeunesse et cinéma d'animation. Et des coulisses de la création avec notamment Béatrice Martin-Starevitch, que vous avez eu le plaisir d'entendre ici même, et Tas de Productions, qui à mon avis devrait être animé par Olivier Catrin, qui sera là-bas. Voilà, c'était un petit tour du FICAM 2011. Très bien, donc on reprend le 19 avril à 14h30 dans les Ardennes à Vouziers. En fait, l'association La Pellicule Ensorcelée propose un ciné-goûter avec une heure de film d'animation. Donc il y aura Le Printemps de Mélie, Le Mulot Menteur, Gary et L'Hurluberlu, un goûter et un atelier de dessin. Voilà, et pour rappeler, La Pellicule Ensorcelée, c'est une association qui fait énormément de choses et qui a notamment un très bon site avec plein de dossiers sur court-métrage d'animation et plein de choses très intéressantes. Ensuite, on revient sur Paris. Juste, je vous rappelle que vous trouvez l'agenda donc sur le site, oui, donc on va vous parler. Liens. Et avec tous les liens, voilà, c'était juste pour vous dire, voilà. Donc, on va revenir au Forum des Images, qui est généralement le lieu parisien par excellence pour l'animation, avec trois événements. Donc, il y a Pompoko d'Isao Takahata, qui est projeté dans le cadre des Après-midi des Enfants, le 23 avril à 15h. Et ça, si vous ne l'avez pas vu, voilà. Si vous l'avez pas encore vu, alors ça risque d'être en français, malheureusement, comme c'est pour les enfants. Mais si vous ne l'avez pas vu, donc si vous n'y allez pas là, surtout en ce moment, il faut absolument le voir. Tout à fait, il fait écho avec l'actualité. Voilà. Ensuite, on a un focus Pixar le mercredi 31 avril au Forum des Images, donc dans le cadre du cycle Un monde de machines. Donc, ce sera Hervé Aubron qui tiendra une conférence appelée Pixar Machine Sentimentale à 19h, qui sera suivie par la projection de Monstres et Compagnie à 21h15. Et en fait, Hervé Aubron, c'est un bon critique de cinéma, enseignant, etc. Et surtout auteur de Génie de Pixar qui vient de sortir, qui a un petit essai. Enfin, j'ai vu, c'est un petit livre, un essai en fait sur Pixar aux éditions Caprici, qui voilà, qui vient juste de sortir en 2011. Alors, je l'ai entendu sur une radio concurrente. De la chaîne Radio France. Ouais. C'est bien que les livres sortent sur l'animation, en tout cas que des essais sortent sur l'animation. Oui. Ce qu'il disait était intéressant. C'est toujours un peu énervant quand on lit au début pourquoi Pixar a révolutionné le monde de l'animation, alors qu'ils n'ont quand même pas révolutionné le monde de l'animation. Il ne faut pas exagérer, mais c'est toujours bon, rigolo, mais en effet, ça a l'air intéressant. J'essaie de ne pas être trop méchant aujourd'hui, j'essaie de tempérer un petit peu mon discours. Je pense qu'en tout cas, voilà, aller à la conférence peut être assez intéressant, surtout qu'effectivement, c'est dans un cycle qui programme là, pas mal d'animations. On en a déjà parlé dans d'autres agendas. Et donc, on finit avec le festival des très courts du 6 au 8 mai au Forum, toujours. La 13e édition du festival des très courts va cette fois-ci toujours proposer des films de moins de 3 minutes. Il y en aura plus de 140. Et parmi la sélection, il y a de très nombreux cours d'animation, comme tous les ans. Et vous pouvez retrouver sur leur site certains films des éditions précédentes, où il y a aussi également beaucoup d'animations. Les Trésors de Thérèse, par exemple, de Cédric Villain, qui était passé l'année dernière. Et là, dans la sélection cette année, il y a par exemple Food About You d'Alexandre Dubos qu'on avait reçu en juillet. Voilà. Tout à fait. Donc, Animal Indie. De très court, ça m'amuse. Oui. Non, ça m'amuse beaucoup, très court. Après, on aura le festival des moyens très courts. Oui, là, c'est moins de 3 minutes. Très, très courts, des très moyens très courts. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire encore plus de festivals? Mais c'est bien, on voit des films, c'est le plus important. Donc, Animal Indie, cette fois-ci, ce sera pas le troisième lundi du mois, ça sera le lundi 9 mai à 20h30 au Studio des Ursulines. Alors, pourquoi? Parce que, comme il y a Cannes, il y a les vacances scolaires, etc., c'est un peu une date entre deux. Et cette fois, l'invité sera justement Florence Miaille et Marie Desplechin. Donc, ça sera plutôt une séance autour du scénario. Donc, peut-être des lectures de scénario. Bon, là, Florian m'en a pas dit plus, mais ce sera plutôt axé sur l'écriture. C'est ce qui est bien, puisque, évidemment, elles travaillent ensemble depuis un bout de temps. Elles travaillent ensemble sur le prochain long métrage de Florence. Donc, ça sera plutôt intéressant. Ouais, je rappelle que c'est que 3 euros l'entrée. Donc, venez tous. Puis bon, c'est tellement plus intéressant que Cannes et avec Claude Poire qui va monter les marches pour le Woody Allen. On est persuadé ou quoi. Venez plutôt voir ce genre de choses que de suivre Cannes. En plus, c'est bien parce que c'est pas Francis qui après, il n'y a pas son émission après. Donc, je peux dire ce que je veux sur le festival de Cannes. Vas-y. Et donc, pour les projections, encore une nouveauté, quelque chose dont on parle pas souvent. Il y a les séances canadiennes à l'occasion de la 6e édition biennale des arts de la marionnette, donc en partenariat avec le Centre culturel canadien et avec l'ONF. Le vendredi 13 mai au Ciné 104 à Pantin, il y a une projection de 6 nouveaux films d'animation donc canadiens contemporains, donc de Patrick Bouchard qui sera là, donc les Ramoneurs cérébraux, Dehors novembre et Révérence, et on aura également Madame Toutliputli, Igloti Picloti Popple, je sais pas si je le prends, voilà, de Chris Lavis et alors, Masik Szczesny. Le polonais, c'est pas voilà, évident. Voilà, bon, je mettrai les liens, de toute façon. Et Paradise de Jess Rosensweet. Et donc, en parallèle de cette séance particulière, le Centre culturel canadien propose 3 programmes de films d'animation pour redécouvrir les plus grands noms de l'ONF et du cinéma canadien. Et là, les programmations sont pas encore en ligne. Enfin, je les mettrai quand on les aura. Voilà, donc en plus de ça, on a bien sûr les rendez-vous mensuels qui seront le jeudi 14 mars pour Bring Your Own Animation, à partir de 19h au bar Le Plastique, donc là plus pour les professionnels, et l'apéro animé pour tout passionné d'animation, le mardi 3 mai à partir de 19h30 au bar La Mer à Boire. Voilà, pour les sorties cinéma, ce qui fait toujours hurler Alexis, tout est concentré un peu la semaine prochaine, mercredi 13 avril, on a 4 sorties. C'est les vacances. Diverses et variées. Donc l'animation, je vous rappelle, c'est pour les enfants, donc ça sort pendant les vacances. C'est simple. Oui, c'est vrai que là, tout est un peu... Ouais. Bon, on a Rio, réalisé par Carlos Saldana. Donc que Francis aime beaucoup, je trouve ça très joli. Par les derniers créateurs de L'Âge de Glace. Les derniers créateurs de L'Âge de Glace. Les créateurs, oui. Voilà. Non, ça serait pas mal, j'aime bien cette idée, les derniers créateurs. Les créateurs de L'Âge de Glace. C'est le dernier film par les créateurs de L'Âge de Glace. On a Winnie l'ourson des cieux Disney, 2D traditionnel, retour aux sources. Ah, ouais, voilà, c'est ça qui est bien en animation, c'est qu'en fait... On juge plus tellement les films sur est-ce qu'ils sont bien ou pas. On dit, c'est bien, ils reviennent à la 2D traditionnelle, donc on est content. C'est-à-dire, le film peut être vraiment nul, mais on est content d'un seul coup de retrouver. Je vous conseille quand même Winnie Pooh, la version russe qui est en ligne sur YouTube, un peu partout. Pareil, je pense que je remettrai les liens. qui est très très bien. On a aussi Les Sept Frères, long métrage donc franco-finlandais qui était sorti, enfin, qui date de 1979 et donc qui sort je sais pas si c'est une ressortie ou pas, mais c'est distribué par les Films du Paradoxe. J'ai vu que l'année de production était de 1979. Ah, je crois que c'était une nouveauté. Je sais qu'il est passé à Anima. Il va passer là au FICAM, donc bah, je savais pas. Il n'est jamais sorti et que là il sort enfin. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et donc on a une ressortie aussi. Si Olivier Catrin était là, il nous dirait. Donc Olivier, je sais que tu vas écouter à un moment donné et tu vas mettre, voilà, tu peux maintenant sur Bulle de Rêve mettre directement ton commentaire en disant oui, voilà, c'est ça qui s'est passé, voilà pourquoi. Merci. Donc Popeye et les Mille et Une Nuits, c'est un programme de 3 courts-métrages de Dave Fleischer, donc qui met en scène le célèbre marin et qui ont été réalisés dans les années 30. Donc voilà, c'est une ressortie de 3 courts-métrages. Ah, c'est intéressant parce que Popeye, c'est l'époque où ils innovaient aussi pas mal, les frères Fleischer, enfin ils ont toujours innové et donc ça peut être assez joli, ouais, c'est pas mal, je savais pas que ça sortait. Voilà, donc 4 sorties d'un coup, bah, très diverses. Et donc une dernière info pour vous dire que donc l'ENSAD est partenaire de la nouvelle plateforme Arte Créative qui a été inaugurée en même temps que la Gaîté Lyrique, qui est un nouveau lieu culturel parisien plutôt musical, voilà, qui est électro, qui a ouvert le 9 mars dernier. Et donc ce site est un site participatif dédié aux arts visuels et numériques et les Arts Déco sont partenaires et ils disposent d'un espace voilà où ils peuvent mettre un peu de tout ce qu'ils veulent. Et en ce moment il y a des films de diplômés de 2010. Par contre j'ai été regarder, c'est plutôt ils sont pas en entier, j'ai vu que des extraits, c'est le début de chaque film. Donc, j'ai vu ça, je sais pas quoi ça sert d'ailleurs sur la fin, mais voilà. Enfin je comprends qu'on met des extraits, mais en plus souvent c'est les... Je me demande, c'est pas les débuts de films, enfin, oui, les trucs, oui, c'est ça. Les donc, débuts, en plus, c'est même c'est pas, des pas films choisi. De donc, on sait bien que les débuts sont pas toujours, enfin, voilà, c'est bon, un ça peu peut bizarre. Donner une, J'ai été voir, justement, j'avais pas vu les films encore cette année, donc, j'ai hâte de les voir en festival. C'est vraiment pas terrible cette année. Alexis. je me suis retenu, j'étais super gentil, Je les ai vus, hein, je l'ai dit, hein. J'ai dit à Sébastien Audenma. Pour nous écrire. Oui, pardon, excuse-moi. Donc c'est emissionbdr@gmail.com. Donc emissionbdr@gmail.com. Voilà. Et pour nous mettre des commentaires et des réflexions, etc., ça sera sur www.bulledereve.com. Bulle avec un S, de rêve avec un S.com. Oui, on a changé puisque voilà. Nom de domaine n'étant pas libre, avant c'était Bulle de Rêve était sans S au rêve, il y avait qu'un rêve, maintenant il y a plusieurs rêves. Voilà, puisque ben maintenant on est deux, Florentine et moi à faire l'émission. Donc voilà, donc il y a plusieurs rêves alors qu'avant il y en avait qu'un. Ouais, comment je me suis bien rattrapé. Merci beaucoup. Voilà, et donc on va peut-être redonner le numéro du studio pour que vous puissiez réagir tout de suite là maintenant. Voilà, c'est-à-dire que je parle trop et que l'espace de gens sont parler Florentine. 71, parce qu'on passe par exemple là, 89 chance, 40. Bon, voilà. 01 43 71 89 40. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent en disant que je parle trop et que laisse passer parler Florentine. Et vous avez raison. C'est une maladie, j'y peux rien. Comme ça, je parle tout le temps. Tu peux lancer la musique maintenant. Et donc, je vais lancer la musique maintenant. Et là, nous allons écouter donc le morceau 3, si j'ai bien fait les choses, qui s'appelle They Can't Take That Away From Me. Et c'est bien Billie Holiday maintenant qu'on écoute, après la douce voix de Florentine. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. Take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. Thank you. your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. Voilà, c'est toujours Bulle de rêve et le monde va un petit peu mieux quand on écoute Billie Holiday. Donc voilà, c'était pour ce moment donné un peu difficile dans ce monde entier, comme toujours. Mais Billie Holiday, voilà, pour se rafraîchir un peu et se voilà rafraîchir le cerveau. Alors, je me retourne vers Florentine qui regarde et qui dit qu'est-ce qu'il veut alors que c'est lui, il est normalement, il sait tout ce qu'il y a. Alors donc, nous allons séparer cette émission. Nous allons entendre évidemment Violaine et Émilie qui vont arriver quasiment dans d'ici une petite demi-heure. En attendant, un peu moins d'une demi-heure. En attendant, je vais vous proposer deux petites interviews qu'on va couper parce que j'aurai pas suffisamment de temps. Et puis, ben, on a le temps d'écouter un peu de musique, donc on va se faire plaisir d'écouter un peu de musique aussi. On va écouter tout d'abord une interview de Philippe Moins. Philippe Moins, c'est le co-directeur, c'est le co-créateur du festival Anima à Bruxelles où j'étais récemment et qui m'a donné une interview et qui fait un peu plus d'une heure. Là, j'ai monté quelque chose qui fait 13 minutes et je pense qu'on va l'écouter 6 minutes et on mettra tout est déjà sur The Web Anime et tout sera bientôt sur Bulle de Rêve. Vous pourrez écouter, il nous parle un peu des 30 ans. Anima a eu 30 ans cette année et de voir peut-être ce qui a changé un petit peu au niveau du monde de l'animation et notamment au niveau aussi de ce qu'on de la terminologie qu'on emploie. Et il y a 30 ans c'était le festival du dessin animé, maintenant c'est le festival de l'animation et on voit un petit peu voilà ce qui a pu changer dans l'animation. Et après vous écouterez un petit pareil qui fait 6 minutes, peut-être qu'on écoutera un petit peu moins, mais j'ai eu une discussion avec André Joassin et Alain Lorfèvre. André Joassin qui est de la Cinémathèque de Belgique et Alain Lorfèvre qui est de la Libre Belgique sur le cinéma belge et voir à quel point, je vous rappelle, et on l'entendra pas au début parce que j'ai coupé, on est en plein milieu de l'année de l'interview. Je vous rappelle que Joseph Plateau, qui est sûrement l'une des personnes qui a aidé à monter le cinéma d'animation et donc le cinéma, était belge, que bien sûr il y a des grands noms et que en Europe, et nous le dirons, les premiers studios qu'on fait du long métrage, peut-être pas des grands longs métrages, mais en tout cas les premiers qu'on fait du long métrage, c'était en Belgique et il y a des gens comme Franquin, donc de Gaston Lagaffe notamment, Peyot, des Schtroumpfs, qui ont eux commencé aussi, qui ont fait de l'animation. Donc on aura un petit bout pareil, ça fait une heure. Alors je suis désolé, deux petites choses. Première chose, c'est technique. J'ai un nouvel enregistreur. Vous saurez tout. Vous savez toujours tout de toute façon. Et donc, ben voilà, j'ai pas bien fait attention. Et donc, la voix est un petit peu caverneuse derrière de temps à autre. Faut monter un petit peu, notamment pour Philippe Moins et André Joassin. Deuxième chose, je me suis rendu compte qu'en effet, ça pouvait agacer des gens. C'est plus des discussions, des fois, que des interviews. Donc, je me suis coupé un petit peu, mais vous allez entendre ma voix. Donc, pour ceux qui ont un petit peu de mal, des fois, dans mes, intempestifs et je parle, en effet, vous allez de temps à autre m'entendre. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Puis voilà, parce que ben c'est ça d'être passionné. Donc voilà, c'est plus des discussions, on va dire, que des interviews. On va déjà écouter l'interview de Philippe. On reviendra pour une petite pause musicale et on écoutera Alain Lorfèvre et André Joassin juste après. Donc voilà, c'est la piste qui est normalement, si j'ai pas trop mal fait le CD, la quatrième qui est juste là. Merci Nicolas. Après 30 festivals tradition, est-ce qu'on a toujours autant de plaisir à faire le festival? Oui, parce que on n'a pas l'impression de faire le même festival. Quand je vois un festival il y a 30 ans et ce qu'il est aujourd'hui, je peux dire maintenant qu'à l'époque c'était pas vraiment un festival, tandis que maintenant on tend vers ce qui est quand même proche d'un festival. Donc, rien que pour ça, j'ai pas l'impression de faire le même métier. Quand on a démarré, on faisait tout à deux ou trois. Aujourd'hui, il y a quand même une équipe. Alors, rien que pour ça, il y a quand même moyen de déléguer pas mal de choses. Et puis, au fil du temps, l'animation a tellement changé, le monde a tellement changé autour de nous, qu'on n'a pas l'impression de faire le même métier. Et on parle de dessin animé, c'est encore la semaine des dessins animés, alors que là on est dans un festival où on parle d'animation et on laisse les créateurs parler. Enfin, on sent changement même dans le discours. Le discours est resté. Je dois dire que dans la télévision, le discours est quand même toujours un peu formaté, et c'est dû aux questions bateaux qu'on nous pose et au temps très limité qu'on a pour y répondre. Donc du coup, je voyais une sorte de continuité entre toutes mes réponses. Un peu politiquement correct, un peu sage, un peu... Et ça, c'est dû au médium lui-même, en fait. C'est très difficile de dire des choses originales ou impertinentes ou ne fût-ce que intéressantes à la télévision. Un des grands acquis après 30 ans, effectivement, c'est qu'il existe une culture de l'animation. Cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions sur la diffusion de cette culture. C'est quand même un public d'aficionados. Et par rapport au grand public, oui, les choses ont changé, mais peut-être pas autant qu'on imagine. Et notamment la confusion qu'on entretient nous-mêmes entre la bande dessinée et le film d'animation est quelque chose contre lequel on a même décidé de ne plus lutter. À un certain moment, on disait, oui, attention, l'animation, c'est différent. Vous savez, les adaptations de BD, en général, c'est pas réussi, etc. Et puis, bon, on a été aussi porté par une vague de bonnes adaptations, il faut bien le reconnaître. Donc, du coup, enfin, je veux dire, Persepolis, c'est pas Tintin et le Temple du Soleil. Donc, du coup, on a tendance à être peut-être un peu moins sectaire aussi. C'est vrai qu'il y avait un certain mépris des gens d'animation pour la BD, et vice-versa, d'ailleurs. Et là, j'ai l'impression qu'on a un peu dépassé ça. Donc, dans énormément de domaines, les choses ont changé, on peut dire, fondamentalement. Et puis, ce qui a changé aussi, quand même, au niveau personnel, c'est qu'à l'époque où moi, j'ai créé ce festival, je voyais les gens dans le public, j'étais plus jeune par rapport à mon public. Maintenant, je vois mon public, tous les gens sont plus jeunes. Alors ça fait un sacré coup. Je ne sais pas à quel moment les choses ont changé, ça a basculé, mais en tout cas, ça a bien basculé, et maintenant, moi, j'ai l'impression d'être un ancêtre dans l'histoire. En fait, oui, je suis passé de l'autre côté. Là, je suis dans la pente descendante avec tous les ancêtres d'animation. Ça veut dire que l'animation tire de plus en plus de monde. On le voit avec la... On le voit ainsi, on voit partout l'animation. Et l'animation, la bonne animation, enfin l'animation que moi je considère intéressante, c'est clair qu'elle attire de plus en plus de monde. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un changement énorme. Moi, je me souviens du public du festival à l'origine. C'était quoi? C'était vraiment des spécialistes, des cinéphiles très pointus. Et c'était une moyenne d'âge relativement élevée. C'était des gens qui avaient plutôt 30-35 ans que les 25-30 qu'on connaît aujourd'hui. Avec aussi des ados. On en a peu, finalement, par rapport à l'ensemble du public, mais on grignote quand même un petit peu sur la clientèle adolescente, parce que c'est vrai qu'on s'est ouvert à l'animation japonaise depuis pratiquement 20 ans. On était parmi les premiers à montrer Akira, on a été parmi les premiers à montrer Takahata. Je me souviens que le tombeau des Lucioles, on l'a montré en 92, ce qui était quand même pas mal. Je me souviens qu'on avait passé des accords avec la firme Ucor, qui existait à l'époque, qui diffusait les films de Ghibli. Et à l'époque, c'était quelque chose qu'il fallait défendre. Parce que l'animation japonaise, je ne t'apprends rien à la mauvaise presse. Et donc le fait qu'un festival qui présente Schwenkmayer, Audrey-Sen, etc., présente des films japonais, ben, c'était une petite révolution culturelle. Donc ça a toujours été important, parce qu'aujourd'hui on le voit, on a aussi bien une sélection roumaine que réponse. Ça, c'est typique de la démarche du festival, et la mienne en particulier. Moi, j'ai toujours pensé que... il ne fallait pas faire d'exclusives, il ne fallait pas créer des chapelles, et que les gens qui pouvaient apprécier l'animation roumaine n'étaient pas forcément ennemis de l'animation des majors. Et je crois que ça, c'est très très important pour désenclaver l'animation. Et c'est clair qu'on peut voir ça au fil du temps. On a des gens qui arrivent chez nous pour venir voir Réponse ou pour venir voir un manga, et qu'on va retrouver dans 10 ans, ils viendront voir une rétrospective des frères Coué, parce qu'il y a un amour de l'animation qui est global, et moi je tiens beaucoup à ça, je trouve ça important. Et que finalement, même si les choses changent, on a l'impression qu'elles changent très lentement, on a l'impression que l'animation reste, comme tu disais au début, quand même, voilà, la diffusion est quand même limitée au niveau des télés. Il y a les festivals, mais hors festival, voir des courts-métrages. Alors, il y a Internet, on peut en parler. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce que l'animation, le monde de l'animation, a peut-être des choses à faire aussi pour s'ouvrir, comme tu disais? Moi, je dirais que l'animation a fait beaucoup de pas dans la bonne direction. Quand on voit ce que sont devenus les festivals, quand on voit toutes les initiatives qui existent, sur Internet, bon, pensons je pense qu'il est défunt maintenant, le magazine Repérage. Oui. Il y a plein de choses qui existent. Bon, il y a Bulle de Rêve. Bon, il y a plein de choses. Et je trouve que les gens qui s'intéressent à l'animation aujourd'hui ne sont pas du tout des gens qui ont une mentalité de repli sur soi, d'autisme ou quoi. Je pense que l'animation a fait énormément pour se faire connaître. Et les auteurs eux-mêmes aussi, avec Internet, avec plein de choses. Non, moi je pense que maintenant, le pas, il est aussi à faire de l'autre côté. Et je trouve quand même les télévisions excessivement paresseuses et manquées. Bon, évidemment, en France, vous avez Canal+, et vous avez Arte. Enfin, on l'a aussi. Oui, face à minuit et demi. En dehors de ces deux chaînes-là, l'animation... Et donc, c'est bien Bulle de rêve. On vient d'écouter Fest avec donc de l'album The Reminder. Excusez-moi, j'étais ailleurs. Oh My Heart Behaves. J'aime bien qu'on essaie de prendre quand même un accent anglais tout en étant Oh My Heart Behaves, The Reminder. Donc voilà, Ophélie nous disait qu'elle avait vu en concert. Oui, et que c'était magnifique. Et qu'il y avait sur scène une performeuse et qui faisait aussi de l'animation. Enfin, elle était entre performance et animation, assez simple pour que ça puisse marcher sur scène en direct, avec des petits bouts de papier, de la fumée, avec des choses qu'en fait, voilà, elle jouait avec, en gros, je pense, tous les outils qu'ont utilisé les gens au début de l'animation. Et c'était une belle surprise. Voilà, donc je savais pas, mais comme quoi, puis ça tombait, puis... Vous savez qu'elle écoutait ça aussi en faisant son film, donc voilà, je suis bien tombé. On va écouter. Alors, vous avez remarqué. Alors, vous savez que je dis tout et que je pourrais faire semblant d'être un très grand professionnel et d'avoir fait. Non, je pensais vraiment que la première interview faisait 13 minutes. Elle ne faisait que 6 minutes. Deux choses l'une ou mon montage, c'est trop. Enfin voilà, ça n'a pas marché. Ou alors, je sais pas. Le dieu du montage est avec moi, s'il existe. Non, il n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, s'il y a quelqu'un, je sais pas. En tout cas, je suis content. Donc, ne perdons pas de temps avec mes bavardages et passons directement à. Vous avez entendu Philippe Moins et passons directement alors André Joassin et Alain Lorfèvre de Libre Belgique et de la Cinémathèque pour le premier, qui vont nous parler un tout petit peu du cinéma belge. Ça dure 7 minutes. Pareil, peut-être qu'on va là aussi couper un petit peu avant. On va voir. On écoute ça. Merci. CBA, qu'est-ce qui se faisait dans ce studio? C'était des pubs qui... Alors au départ, CBA, qui veut dire Compagnie Belge d'Actualité, avait pour vocation de faire des actualités cinématographiques. Et puis très vite, son directeur s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de l'argent à faire dans l'animation, d'abord via la publicité et puis dans des courts-métrages. L'arrivée de la guerre, lui, par contre, l'a contraint justement à ça, en ce sens que avec l'occupant, le secteur actualité n'était plus vraiment porteur. Par contre, il y avait un besoin de films d'animation pour compenser la disparition des productions qui venaient des États-Unis, et donc ils ont essayé de passer des films. Ce qui est assez extraordinaire chez CBA, c'est qu'ils ont pratiquement dû réinventer la poudre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune expérience du cinéma d'animation. Ils avaient tous vu quelques productions américaines avant-guerre. Et donc, ils ont essayé de comprendre comment ça marchait. Au début, c'était vraiment, on faisait de l'animation basique avec les tirettes, les petites languettes, on tirait les personnages. Donc, c'était même pas de l'animation image par image. Et puis, ils ont commencé à comprendre. Maurice, lui, avait suivi quelques cours par correspondance. Donc, il avait il avait la théorie, mais pas la pratique. Et donc, de fil en aiguille, ils ont trouvé un peu leur méthode. Et ils ont fait quelques films qui étaient des adaptations de contes. Il y avait, par exemple, Le chat de la mère Michel. Ils ont essayé de faire des films un peu d'inspiration conte et légende aussi. C'est notamment dans un de ses premiers courts-métrages, Peyot avait dessiné des petits lutins qui étaient déjà précurseurs des schtroumpfs qu'il allait créer par la suite. Pour les voir, ces films, ils sont visibles, la Cinémathèque en a? Non, pratiquement tout a été perdu. De nouveau, un animateur archiviste passionné qui s'appelle Philippe Capard, qui a écrit un livre qui s'appelle Franquin, Peyot, Maurice et le cinéma d'animation, qui a été édité aux éditions de l'An 2. Donc c'est un livre qui n'a même pas été édité en Belgique, il a été édité en France. A retrouvé quelques traces, et sur un DVD qui est vendu avec le livre, qui est dans le livre, il y a un court-métrage rescapé de CBA. Je pense d'ailleurs que c'est Le chat de la mère Michel, avec on suppose que l'animation est Franquin. D'accord. Donc, mais sans certitude. Eux n'en ont pas... Si, ils en ont parlé. Ce qui est étrange, qu'à l'époque, dans les années 50-60, par le film, ils sont concentrés sur la bande dessinée. Ils ne revenaient pas trop là-dessus, sauf que quand même, il y a des indices de ça, puisque Maurice, lui, a toujours rêvé de refaire de l'animation. Et il s'est battu pour que son Lucky Luke soit adapté. Et il était très impliqué dans les adaptations de Lucky Luke, notamment au cinéma, celles qui ont été faites par Bellevision dans les années 70. Il co-signait les films. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Dans le journal de Spirou, il faisait des petites séquences. Il s'amusait déjà à essayer de reproduire le principe de la décomposition du mouvement pour que les lecteurs puissent se fabriquer en découpant le journal, faire leur petit flipbook, etc. Et dans les années 60, vers, je pense, 65-66, il y avait eu l'annonce en grande pompe, ça avait fait 4 pages dans le journal de Spirou, d'une adaptation de Gaston en dessin animé. Franquin avait commencé à plancher dessus. Ça devait être réalisé, je pense, par TVA Dupuis, qui était une structure qui avait été mise en place par Dupuis pour faire des petites productions d'animation. Le projet n'a jamais abouti, mais il y avait eu 4 pages où des gens expliquaient le principe de l'animation. Donc voilà, Franquin et Maurice Payet ont toujours gardé un peu ce lien. Et puis alors, il y a eu les adaptations des Schtroumpfs, Hanna-Barbera aux États-Unis. Mais là aussi, où Payet était très impliqué, parce qu'il avait, ce bagage, et donc il conceptualisait très bien ce que pouvait donner sa bande dessinée sous forme de dessin animé, parce qu'il avait ce passif, ou plutôt cet actif d'ancien animateur. Et là, il y a des choses qui vont très chouettes. Habitué ici, vous écoutez de temps à autre Bulle de Rêve, les imprévus sont toujours surtout techniques, donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire Bulle de Rêve, et en effet ça ne faisait pas 6 minutes mais 3 minutes la petite interview d'Alain Lorfèvre et d'André Joassin. Normalement ça fait 1 heure, je vous promets que c'est passionnant d'entendre ce qu'il raconte sur le cinéma d'animation belge. Donc c'est sur The Web Anime en ce moment même, sur Anima 2011. Vous pouvez avoir tout le compte rendu d'Anima 2011, mais on le mettra bien évidemment sur bulle-de-rêve.com. Wow. Presque une pub comme ça en plein milieu et tout. Et on a enchaîné cette interview après Philippe Moins, d'André Joassin et d'Alain Lorfèvre, par Kate Bush, qui chantait This Woman's Work, qui raconte l'histoire d'un accouchement. Et voilà, donc évidemment, c'était une facilité, mais c'était par rapport au film de Violaine. On en reparlera un petit peu après, mais qui est... Je vous en dis pas plus. Vous regardez déjà sur aussi si vous voulez regarder le sans nom et sur The Web Anime en ce moment, voilà, parce qu'il est sur Arte TV. Déjà, Violaine, on va poser la question qui est un petit peu une espèce de question un peu facile, voilà, qui est une espèce de pour rentrer dans le vif du sujet. Si on regarde un petit peu sur Internet, les débuts dans l'animation sont pas, c'est pas de suite. Il y a autre chose qui se passe avant. Il y a les Beaux-Arts. Oui. C'est quoi le premier avant que tu nous parles des Beaux-Arts? Il y a plein d'autres choses. Et c'est quoi le premier choc en cinéma, qu'il soit d'animation ou pas d'ailleurs? Le premier choc, je pense, en cinéma, c'est Les Enfants du Paradis. Je pense. Ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi, ça c'est toujours resté un grand mystère, mais c'est un des films favoris de mon père. Donc en fait, il a emmené ses enfants super tôt voir Les Enfants du Paradis. D'accord. Qu'un film long en plus, donc. Oui. Ouais. Mais voilà, en nous disant, ça faisait partie de ce qu'il voulait nous léguer. Donc c'était ça. Et après, le film d'animation, en fait, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard, quand j'étais aux Beaux-Arts. En fait, il y a une projection du festival de Créteil, le festival des films de femmes. Et il y a eu le premier film de Florence Simial qui a été projeté là, à MAM. Et en voyant ça, je me suis dit, waouh, on peut faire des choses bien en animation. Donc c'était un film de, ouais, de Florence. Ouais. Mais juste, je croyais que tu avais dit que les Florentines, que les films de femmes de Créteil, ouais, passaient pas d'animation. Presque pas. Et ça doit être, enfin, souvent je regarde parce que comme c'est en 93 et j'avais envoyé mon film aussi. Et c'est très rare que je vois de l'animation. Mais bon, comme quoi, il y a eu Florence. Oui, mais il y a très très longtemps, hein, ouais, parce que c'était longtemps. Pour Amam. Hein. Oui. Et, donc c'était, ouais. Et il passait aussi plein d'autres films, mais qui n'étaient pas du tout de l'animation. C'était de la fiction. Ah oui, c'est voilà. Pour ça normalement. C'est... Donc Amam, grand choc. Ouais, grand choc. Ouais. Mais pour moi, en fait, l'animation, je connaissais très mal. Je connaissais le dessin animé, et ça ne m'intéressait pas du tout. Ou en fait, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai fait pas mal de choses, du dessin, mais aussi de la sculpture. Et c'était un peu comme du storyboard, mais dans l'espace. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de raconter le mouvement, et puis comme des mouvements, que maintenant je dirais les poses clés d'un mouvement. Mais à ce moment-là, je disais, je sais pas, comme des moments de basculement. D'accord. Et c'était des histoires d'amour entre un loup et un oiseau. Donc qui se chamaillaient, qui se montaient dessus, qui se tapaient dessus et tout ça. Tout ça dans l'espace, dans des espèces de boîtes, mais qui étaient comme des cadres en fait, que je suspendais en l'air. Et c'était rigolo, voilà. Donc il y avait déjà l'envie de... De travailler avec le mouvement. Ça c'était très fort, mais dans le dessin, partout en fait. Et des gens m'ont dit, ah mais pourquoi tu fais pas du dessin animé? Et en fait, moi ça m'intéressait pas du tout de faire de la ligne claire. Pour moi c'était Disney, mais bon, ça avait aucun intérêt. Et puis, et parallèlement aux Beaux-Arts, en fait, je faisais beaucoup, justement, danse et danse-théâtre. Et après, pendant un certain temps, après la sortie des Beaux-Arts, j'ai cherché à rassembler tout ça en faisant des performances. Mais en fait, j'avais pas envie de faire du sous Abramovitch ou du sous Machinette ou je sais pas qui. Donc après, comment ça s'est passé? C'est vraiment par hasard. J'ai travaillé sur une série sur la langue française, qui était coproduite par Lina, qui s'appelle Etimo. Et ouais. En fait, il y avait de l'animation de typo et de la mise en... Et en fait, j'ai travaillé à faire du story là-bas. Alors, c'est par hasard pur. C'est étonnant comment on passe, parce que j'ai vu ça en effet, comment on passe de quelque chose où on est plus dans l'art contemporain et en effet, alors je trouve ça plutôt bien en effet de pas vouloir refaire les mêmes performances, ouais, qui ont déjà été faites de, ouais, très belles manières. Et comment on passe de ça à une série animé. Là, c'était pour manger. Ouais. Tout simplement. Et aussi parce que, voilà, la langue française, c'est vraiment une série qui se tient bien, qui était coproduite par Lina et la Cinquième. Et c'était sur l'évolution de la langue française. Et donc, jouer avec la typo, c'était les débuts du flem. Ouais. Donc, en fait, voilà, ils ont fait ça pendant quelques mois. Et je me suis dit, ah ouais, l'animation, en fait, c'est vraiment quelque chose qui y a un potentiel très fort, là. Et donc, j'ai cherché à voir comment je pouvais me former. Donc, tu as compris qu'il y avait un attrait, enfin, ouais, pour toi en tout cas, ouais, qui était dans le mouvement et puis aussi dans les formes et dans les tout matières et dans ce, ouais, genre de choses. D'accord. Oui. Qui ramassait vraiment art plastique et aussi mouvement, mise en scène. En fait, on pouvait. Enfin, voilà, c'est un médium absolument incroyable, hein, avec le son et tout. Et donc après, je suis passée brièvement par les Gobelins. Oui, alors dans une formation, c'est ça, ouais. Parce que ça c'est ce qui est étonnant, ouais. Quand on voit ce que tu fais aujourd'hui et puis le travail avec Florence Mia, et c'est le passage aux Gobelins pour une formation storyboard et layout, c'est ouais, ça. Ouais. Comment tu sais tout ça? Et là j'ai souffert, hein. Ouais. Tous les jours, c'était vraiment, j'y allais en me donnant des coups de pied aux fesses parce que enfin voilà, c'était sec. Et donc c'était uniquement pour, tu faisais ça quoi, parce que tu disais j'ai besoin de ça pour travailler, oui, pour continuer, c'est ça? Ouais, pour travailler. Et après j'ai commencé à travailler un peu sur des séries, mmh. Et notamment pour Dora aussi, c'est comme ça que j'ai rencontré Dora. D'accord. Les belles histoires de pommes d'api notamment, ouais, genre de choses, ouais. C'est surprenant de voir ça. Non, c'est surprenant de voir ça, c'est vrai dans la filmo, ouais, mais ouais. Et après je me suis dit voilà, je peux plus faire ça. Je vais crever sur place, moi. Avec Dora, c'était différent, parce que quand même, il y avait... À un moment, les belles histoires de pommes d'api, ce qui était intéressant, c'était de se couler dans le style graphique, quand même, de quelqu'un, et c'était un beau graphisme. Mmh. Et après, extrapoler sur ce qu'aurait fait cette personne avec telle histoire et telle histoire. Donc ça, c'était intéressant de faire du faux, d'être faussaire, en fait. Donc Dora, juste, Bidisulio, qui est déjà venu ici, c'est les films de l'Arlequin. Tout à fait. Voilà, qui produisent des séries plutôt jolies. Enfin... On va dire le top de la série. Et après, je me suis dit, je peux plus faire ça. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, que faire? Peut-être présenter La Poudrière, par exemple. Donc, en fait, j'ai présenté La Poudrière et parallèlement, j'avais aussi soumis un projet au CPO, le Centre de la Première Heure. Qui n'existe malheureusement plus, qui oui. Qui n'existe plus. Et donc, en fait, par un hasard très, enfin, une série de hasards très heureux, j'ai rencontré Florence. Qui m'a dit, j'ai rencontré Dora, qui m'a dit, il y a quelqu'un, Florence cherche quelqu'un pour faire des décors. J'ai dit, super. Donc, la réalisatrice d'Aman, d'un seul coup, comme quoi tout se retrouve, ouais. Tout se recoupe. Et puis, aussi à La Poudrière, en fait, ils m'ont dit, t'as jamais animé, donc ton book, il est super intéressant et tout ça, mais on a quand même des hésitations. Parce que tu ne sais pas animer. Donc ils m'ont pris en me disant, mais tu devrais aller voir Florence parce que vous avez des choses en commun et elle pourrait te montrer des choses et tout ça. Et ce qui fait que voilà, j'ai fait un essai de décor et puis après, en septembre, en fait, j'étais devant le choix, est-ce que je pars à La Poudrière ou est-ce que je reste avec Florence? Et je suis restée avec Florence. Wow. Donc c'était super, j'ai appris comme ça avec elle superbement l'animation et à travailler sur le... Enfin, avec elle, j'ai tout vu, le son... Le travail sur le bon titre, voilà, cette logique-là d'animer directement sous la caméra, d'avoir une approche très plastique, et aussi de travailler, on a beaucoup travaillé le mouvement, en fait on a beaucoup dansé ensemble, puisque je l'ai assisté sur le bal, enfin au premier dimanche d'août, ouais. Et donc il fallait les essayer les danses, donc on a rocké et tout ça. Wow. Donc, c'était super. C'était le premier film au premier dimanche d'août sur lequel elle a travaillé avec Florence Mia, ouais. D'accord. Quand tu commences à travailler avec elle, alors là c'est la partie corps qui est importante, ouais. Chez Florence Mia et dans le son cinéma, puisque ouais. Hein, des hammams évidemment ouais. C'est très important. Mais il y a l'animation aussi. Tu dis comment tu te confrontes à ça? C'était difficile ou au contraire c'était un plaisir, justement après des séries, après ce genre de choses qui étaient un peu plus formatées, même ouais. ça reste intéressant. Est-ce que tu te libères complètement ou non, ça reste encore ou t'en fais pas du tout, tu fais là c'était les décors, c'est ça, c'était... Non, mais en fait au début j'ai commencé par les décors et puis après dès que j'avais du temps, en fait je la regardais bosser, donc ça c'était super généreux de sa part d'avoir quelqu'un qui est là à côté sur le banc, enfin qui regarde, pas très évident, oui, ouais. Oui, je pense que c'était pas évident pour elle. Et donc ça, c'était vraiment un grand cadeau de pouvoir faire ça, de regarder. Et puis après, en fait, j'ai aussi déroché beaucoup de sons parce que elle avait fait du son. Enfin, sa cousine avait fait du son comme ça en direct dans le midi. Il y avait la chef. Il y avait aussi comment elle s'appelle, Claudine Nougaret, c'est ça, qui travaille avec Depardon. Ouais. En fait, c'est la compagne de Depardon, donc elle avait fait aussi du son. Et après, il a fallu trier, prendre des petits bouts. Voilà. Donc en fait, j'ai fait pas mal ça. C'était très intéressant. Et puis au bout d'un moment, en fait, il y a Florence qui m'a proposé d'animer avec elle. Et donc là, j'en ai eu des suées. J'étais devant le mantel et je me rappelle, je dégoulinais. C'était carrément l'angoisse totale. Mais en fait, c'était super. C'est venu petit à petit. Et quand même, en essayant de faire du Florence Imiaï, en fait, je faisais pas tout à fait du Florence Imiaï. En fait, on se partageait le bon titre, c'est-à-dire pendant, je sais pas, 30 secondes, enfin, je sais pas, quelques secondes, j'avais le côté droit, et puis après, elle le côté gauche, et puis après, on switchait. Elle reprenait mon dessin, moi je reprenais le sien. Voilà, on anime, ou la peinture, en fait, c'était de la peinture, pas mal. Oui, parce qu'il faut, il faut bien comprendre, pour ceux qui connaissent pas bien, bon titre, ouais. C'est difficile, c'est pas comme de travailler sur une animation un peu plus traditionnelle, où on va avoir un personnage qui va être mis ouais. quasiment dès le début dans le marbre, même si ça peut changer. Ouais. Là, ça, c'est tout le temps en mouvement, ça, enfin, c'est tout le temps dans sa bouche, c'est pas quelque chose qui est fixe, et on peut avoir un personnage qui va pas se ressembler complètement, en tout cas, on peut avoir des petites oui. Oui. choses, donc c'est pas évident de passer d'une animation, enfin voilà, de dire bon bah là je m'arrête, ou toi tu fais telle partie d'animation, et en plus Florence travaille, elle nous l'a expliqué, on était venu ici, elle travaille en effaçant. Oui, mais alors là ça c'était donc moi je l'ai aidé pour au premier dimanche d'août, je l'ai aidé sur du sable, c'était de l'animation d'accord. sable, donc ça c'était plus simple. Peu, ouais. Mais par contre là pour au premier dimanche d'août, en fait il y avait pas de retour vidéo. Donc ça, c'était aussi un super exercice parce que c'était, il fallait tenir la concentration très longtemps, garder en mémoire, marquer. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré faire et puis en fait que j'ai gardé moi pour ma propre pratique. En fait, c'est comment se mettre dans un état et le garder très longtemps, tout le temps de, enfin voilà, de la scène à animer et cette exigence-là. Puisqu'en fait, on ne peut pas se tromper, puisqu'on ne peut pas effacer. Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Donc, dans le pire des cas, on coupe l'image, parce que là, c'était en 35. Et dans le meilleur des cas, ben, on découvrait au labo, en projection, ce qui se passait, ce qu'on avait fait. Donc finalement, pour les plus jeunes qui écoutent, pour les étudiants, finalement, de pas forcément refaire une école, mais de, si on a la chance de pouvoir tomber sur quelqu'un qui, voilà, nous prend comme, là, vraiment assistant, c'est vraiment le, ton rôle, c'est autant l'apprentissage est aussi aussi oui. bénéfique quoi. Tout à fait. Même si on fait pas ses propres films finalement, et même si on fait pas son propre univers, même si on travaille pas son propre univers. Oui, mais je pense que là j'étais vraiment très heureuse de travailler avec elle puisqu'elle est plasticienne. Donc moi ça m'a fait énormément de bien, je revenais à ce que je suis vraiment, je pense. Et après, moi j'ai l'impression qu'en animation, chaque parcours est très particulier et que tous les parcours sont possibles. En fait, il n'y en a pas un, il n'y a pas une école, puis ça. En fait, c'est ça qui est vraiment super dans ce métier. C'est pour ça, Florentine, quand elle m'a dit, ce serait bien d'inviter Violaine Bibeu, parce que quand même pour savoir un peu ce qu'elle a fait avant, parce qu'elle n'a pas fait d'école, on ne sait pas, donc... Bah, c'est vrai que c'est quand même, enfin, maintenant, en plus, les écoles françaises sont très présentes, il y en a beaucoup, etc. Ouais. C'est rare de trouver des gens, enfin, des réalisateurs qui n'ont pas forcément fait d'école labellisée avant. Et, en fait, moi, j'ai un tampon, mais c'est les beaux-arts. Mais pas d'école d'anime, c'est vrai. Non, mais ce qui est drôle par rapport aux beaux-arts, d'ailleurs, on aura, je l'espère bientôt, donc une interview de Marie-Pierre Rouel, qui, elle, a fait la Poudrière et qui disait que ça avait été très dur pour elle, parce qu'elle savait qu'elle voulait faire de l'animation et qu'au Beaux-Arts, c'était très décrié, c'était très mal vu. Et on lui disait, alors qu'elle n'était pas du tout dans ce style-là, elle disait, mais tu fais pas tes petits Mickey. Et qu'il y avait vraiment, elle, alors c'était Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Ah, en illustration. Ouais, Toulouse. Elle était à Toulouse, pardon. D'accord. Et oui. Et elle était très très décriée parce qu'elle faisait pas, voilà, elle était pas dans l'art contemporain, on va dire. Non, elle oui. était en... Je sais plus dans quelle section, mais en tout cas, voilà, elle ne faisait pas, enfin, il n'y avait pas suffisamment de concepts. D'accord. Et elle était un petit peu, et ce qui l'intéressait, c'était de faire de l'animation. Alors, un jour, il faudrait reparler de ça, mais bon. Ouais. Donc, rencontre très, très, très importante avec, ouais, avec Florence. C'est quand l'idée germe de vouloir faire un court-métrage? Je pense, déjà avant de la rencontrer, ouais. C'était déjà là. Et après, c'est vraiment long de faire. En tous les cas, cette histoire, c'était. On peut le titre précédent de Kate Bush était bien choisi sur l'accouchement, parce que c'était un long processus. Donc, enfin, c'est le chef opérateur avec qui j'allais travailler, qui est magnifique, qui s'appelle Olivier Gillon, me disait en rigolant parce qu'il y a eu énormément de péripéties. Donc je me suis relevée plus ou moins bien, mais il me disait en rigolant, faudrait que tu écrives un livre là-dessus. Et en fait, je pense que c'est pas mal d'en oublier. mais c'était long à faire, et puis ce qui était vraiment bien, c'est que le projet a beaucoup évolué. Donc en fait, il y en a un qui a capoté, parce que la productrice a fait faillite avec le budget. Donc après, en fait, j'ai réécrit, et là, au lieu de commencer toute seule et d'être dans une logique quand même beaucoup art plastique, je suis toute seule dans un atelier. Là, ce qui était super, c'est que justement, comme j'avais vu que la lumière, c'était un vrai métier, et que j'ai, enfin voilà, c'est aussi, non seulement c'est un vrai métier, mais en plus, bon, avec un bon titre, c'est, et une multiplan, c'est très très compliqué de faire la lumière seule, hein, surtout parce que, voilà, je pouvais me trouver à 3 mètres du sol, regarder dans l'œilleton de la caméra et me dire là, la lumière n'est pas très juste. Je redescends, je bouge un peu le projecteur, je remonte voir 3 mètres au-dessus du sol et je me dis c'est toujours pas très juste, je redescends. Enfin voilà. Et ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour une pub ou quelque chose comme ça, mais pas pour un film de 10 minutes. Et donc, tu t'es dit, je vais prendre un directeur photo. Ouais. Enfin, quelqu'un de travailler avec pas mal de. Oui, là, ça aussi, c'était un super hasard. Hein. C'est François Darras qui donc aussi a suivi tout le film, hein, et qui était un regard qui en fait a été regard extérieur, qui venait, qui discutait avec moi, qui me disait ce qu'il en pensait. Et François Darras, qui est prof à l'ENSA notamment, oui. Et au Gobelin. Voilà. Tout à fait. Et qui est un peu comme Olivier, ils sont tous les deux. Pour moi, ça a été des super accompagnateurs parce que ce sont des gens, en tous les cas, là pour moi, ils sont vraiment mis au service de mon film, dans le sens où ils m'ont aidé à être au plus juste, mais dans ma logique, et pas du tout en tirant à eux. Et ça, c'était mes préciosissimes, vraiment. Vraiment, merci que, à eux. Est-ce que dans ce cas-là, tu as été voir aussi Florence Miel, ou non, au contraire, tu préférais lui montrer après, enfin, il y a quelque chose de ne pas rentrer en... Non, en fait, Florence, au fur et à mesure, je lui ai montré des choses. Je lui ai montré le texte que j'avais écrit, je lui ai montré des collages, je lui ai montré... c'était très bien, en fait. Elle m'a, à chaque fois, c'était des retours aussi. Mais c'était beaucoup moins étroit comme collaboration qu'avec Olivier ou François. Parce que Olivier et François, c'était très très régulier. Et Florence, c'était beaucoup plus espacé. Alors, le sans nom, pour ceux qui le verront uniquement sur Internet, c'est malheureusement pas la meilleure manière de le voir. Comme souvent un film, de toute façon, vaut mieux le voir au cinéma. Mais alors, là, encore plus, il y a un vrai travail. On va parler à tout petit peu, vous savez, j'aime pas trop parler, mais on va parler un peu technique. Il y a un vrai travail sur la matière qui est assez impressionnant quand on le voit au cinéma. C'est quoi le choix? Tu disais du coton à un moment donné, du sable. Enfin, c'était un choix qui était évident. C'était parce que, ben, donc, est-ce qu'on peut raconter, c'est un enfant qui se crée un monde et qui va sortir de ce monde à un moment donné. Donc le monde évidemment est très très recherché, très travaillé. Comment ça s'est passé? Tu faisais des croquis, ce genre de choses et. Bon, en fait, j'ai fait pas mal de recherches en collage, comme ça. Et puis oui, pour moi, en fait, ce petit garçon, il advient à lui-même. En fait, il advient à son humanité, ou enfin, c'est ça. Et donc, pour moi, il fallait vraiment avoir des matières organiques pour raconter ça, cette histoire d'accouchement. Et aussi, j'aime beaucoup le papier, tout simplement. Donc, en fait, partout où je vais, à l'étranger ou sur les marchés, n'importe où, en fait, je récupère du papier. Donc, aussi bien le papier qui a entouré les betteraves, par exemple. Donc, je me suis servie pour les rochers sur la plage et tout ça. Ou du papier très sophistiqué qui vaut super cher, que j'achète avec parcimonie, mais et le délaver, le recoller, travailler en volume et à plat. En fait, ça, c'était, j'avais vraiment très envie de voir comment je, en fait, recréer une image en partant de matière très simple, en étant en fait toujours le plus simple possible, et d'évoquer le plus possible avec le moins possible. En gros, c'était le principe qui m'intéressait et qu'on a choisi de suivre avec Olivier, donc le chef opérateur. C'est un film qui est à la fois d'une grande simplicité dans l'évolution narrative, on va dire, et qui est à la fois très complexe dans, peut-être psychologiquement, dans tout ce que ça a amené. Quand je dis complexe, en tout cas, voilà, ça amène des choses très personnelles, on va dire. Tu dis que tu avais un texte, il y avait un storyboard qui était très particulier, ou tu t'es aussi donné beaucoup de liberté? Donc en fait, c'était des allers-retours entre... Donc il y a d'abord eu un texte, alors, ça fait un peu pompeux, mais c'était un espèce de poème où on travaille vraiment sur que les mots évoquent le plus possible ce que pouvait vivre ce petit garçon, et qu'on sente vraiment ce que c'est que être sur la plage en été, avec qu'on sente le plus possible physiquement. D'où après le travail organique sur le papier et tout ça. Et après, j'ai fait un story qui était très précis. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de tournage, on reprenait, en fait, en chaque début de plan, c'était une phrase rituelle d'Olivier qui disait « Mais alors, Violaine, qu'est-ce que tu veux dire avec ce plan ?» Voilà. Et donc, je disais « Voilà, moi, j'ai envie de raconter ça et ça. » Donc, parfois, il m'amenait à préciser, parce que ça pouvait être un peu flou. Et ensuite, c'était... Et il me disait « Mais surtout, ne t'embarrasse pas d'inquiétudes techniques. On trouvera toujours la solution. » On l'a trouvé. Parfois, ça a été archi costaud. Il fallait penser à 4 milliards de trucs. Il y avait 8 niveaux. Il fallait bouger, faire monter des lumières en même temps, travailler la graisse en même temps, la peinture en même temps. Plus les lumières du banc sous le banc titre qui pétaient les unes après les autres. Mais en fait, à chaque fois, c'était ça. Donc, et moi, j'avais laissé le story, donc je l'avais en tête, mais je le reprenais pas à chaque fois. Et donc, je redessinais. En fait, il y a eu un story initial que j'ai mis de côté, et puis après, je redessinais avant chaque scène en me disant, voilà, ça, j'aimerais dire ça. D'accord. Et après, il y a des morceaux que j'ai, en fait, redessiné vraiment la fin, la rencontre, par exemple, sur la plage. J'ai dû faire 25 stories. Bon, à la grande, au grand dam du producteur qui n'en pouvait plus. On va en venir au producteur, oui. Et qui donc m'a fini par poser un ultimatum, mais qui est passé par Olivier, et qui un jour a dit, écoute, tu sais, Yves, il n'en peut plus, donc il va falloir que tu t'accouches de cette fin. Et c'était, en fait, valait à la fois être économique, parce que j'avais trouvé une première rencontre comme ça, des deux enfants se rencontraient autour de l'eau. Donc ça aurait été super, parce qu'il fallait animer la graisse, les rebonds, les ondes et tout. Et on s'est juste dit que j'en aurais pour 4 ou 6 mois de plus. Donc il a fallu trouver quelque chose de plus simple. Et finalement, je suis arrivée au rocher. Mais c'était... c'était quelque chose. C'est... on parle pas tant toujours, mais c'est un tournage qui a été assez long, assez difficile. Ben, je sais pas, en fait, moi, je manque de repères. Le seul repère que j'ai, c'est Florence, en gros. Puisque, en fait, et pour moi, faire un film sur 2 ans et demi, 3 ans, comme c'est à peu près ses durées, ça me paraît pas énorme. Ouais. Mais j'ai entendu depuis qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus vite. Ouais, mais bon. Donc, oui, c'était, toi, ça paraissait évident. De toute façon, c'était par rapport à l'histoire, par rapport à ce que tu voulais donner. Comme tu dis, l'importance d'avoir des personnes extérieures, mais qui étaient là pour le film. Ouais. De toute façon, c'était une durée qui était normale. Oui, et aussi, parce que j'ai laissé mon idée juste en chemin ou précédemment, mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était que pour chaque scène, ça avait été storyboardé, mais que ce qui m'intéressait, en fait, c'était de repréciser encore. C'est-à-dire qu'il y avait une idée qui était là depuis le début, mais comment est-ce que je pouvais... En fait, au fur et à mesure, resserrer le propos du film, scène après scène, donc garder toujours l'intention. Finalement, c'est assez proche du premier storyboard, mais juste encore précisé. Il y a une histoire qui est assez large, on va dire, pour que chacun puisse y mettre pas mal de choses. Mmh. Est-ce que tu as des réactions complètement différentes quand tu le passes, quand tu le montres? Est-ce qu'il y a des spectateurs qui viennent te voir en disant ça c'est tout à fait moi, ou ça c'est moi, enfin, ou qui te disent des histoires même peut-être personnelles à... Oui. À eux. Oui, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est faire ce film-là, puis je pense les autres, de les faire suffisamment ouverts pour que chacun ait sa place dedans. Et pas du tout prendre le spectateur en lui disant, alors tu vas comprendre ça, maintenant, très vite, sinon, ça va pas. Et donc là, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des gens qui trouvent la première partie insupportable, où ils étouffent carrément, d'autres qui adorent. D'autres qui aiment beaucoup la fin, la rencontre sur la plage. En fait, c'est assez divers. Et c'est sans déconner, c'est assez révélateur, parce que c'est vrai que si on aime le début ou la fin, enfin ça doit prouver, alors on va pas faire de la psychologie non, mais ça prouve vraiment comment les personnes, si tu parlais à mon avis un peu plus avec eux, sont, puisqu'en effet il y a c'est vraiment une histoire où quelqu'un, ou enfin encore une fois ça, jeune garçon, en tout cas, a priori, dans le film, on peut mettre un peu ce qu'on a envie, ouais. Ce qui est bien aussi en animation. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une sortie d'un endroit, quand il est sorti de quelque chose où il veut décider, mais cet endroit ne veut pas le laisser sortir, puisqu'il va essayer de le ramener dans son giron. Ah, déjà, ça fait penser à quelque chose. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui est assez fort comme ça, et finalement, il va réussir. Donc, en effet, je suppose que ça doit être assez fort au niveau des réactions des gens. Le producteur, quand ça dure aussi longtemps que ça, bah, tu l'as dit, t'as dit plus ou moins la réponse, que quand il voit le film terminé, il est enfin soulagé. Oui, en fait, je crois qu'il est content. En fait, il est assez fier, finalement. Il y a des films qu'il faut, il y a besoin de temps. Oui. Et que s'il y avait eu un an en moins, peut-être que ça aurait été pas. Ça aurait été un film différent. Donc, c'est important de laisser aussi au créateur, si possible, le plus de temps pour faire ce film. Le film, il tourne. À côté de ça, tu es prof. Ouais. J'ai vu. Alors, à l'MK, c'est moins surprenant, on va dire. Et tu es prof aussi à Méliès. Et ça, Florentine notamment m'a dit, elle est prof à Méliès. Il faut absolument lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait à Méliès. Parce que Méliès est plus connu pour de la synthèse, ce genre de choses, même si c'est que... Ouais. Le directeur Franck Pitta est assez ouvert. Oui. Tu fais quoi comme cours ? J'enseigne l'animation sur bon titre. D'accord. Ou pas sur bon titre, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui n'aiment pas le bon titre et donc qui travaillent sur papier. Mais en gros, mon propos, c'est de travailler sur le ressenti. En fait, en gros, c'est d'articuler le dessin, enfin le mouvement ou l'acting, le dessin. Donc pour comprendre les aplombs. Pour comprendre en fait par où le mouvement passe et l'animation directe. Donc que ce soit ou sur papier ou sur bon titre. Et en accent beaucoup, en fait, en revenant toujours à l'intention. En fait, vraiment, c'est pourquoi est-ce que tu fais faire ça à ton personnage? Qu'est-ce que tu veux raconter? Enfin, toujours être préciser ce que l'élève veut dire. Et donc trouver les bons outils techniques pour ça. Est-ce que d'avoir eu des gens qui t'ont aidé sans trop te forcer te permet toi aussi, maintenant que t'es prof, de ne pas trop t'imposer, de réussir à pas trop s'imposer par rapport à l'élève et de laisser travailler son univers, même si son univers d'ailleurs t'intéresse pas ou te plaît pas forcément, c'est facile ou comment ça se passe? Là en fait, je n'interviens pas tant sur par exemple les films de fin d'année ou de fin d'études, mais c'est vraiment ils ont une première approche d'animation avec quelqu'un qui est vraiment plus Disney, donc avec le rebond de la balle et tout ça. Et moi j'interviens vraiment sur pour un peu pour leur dire que en fait l'animation c'est pas forcément du Disney et que ce qui compte, même si c'est maladroit, c'est l'intention. Parce que si l'intention est juste, le spectateur sera touché et il comprendra ce qui se passe. Alors que juste du joli mouvement pour du joli mouvement, ok, ça enfume tout le monde, on se dit « waouh, trop fort !» Mais ça va où ? Voilà. Et voilà. Est-ce que la pratique que tu as eue, je sais, de la danse, enfin, il y a beaucoup de choses très particulières qui mettent en jeu le corps, est-ce que ça, c'est aujourd'hui, tu l'as plus ou moins dit déjà, mais c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour toi et que tu aimerais travailler même encore dans les prochains films? Ah oui, moi je pense que en fait c'est vraiment, je prends appui sur ça. C'est-à-dire, comme je n'ai pas de technique d'animation, le mouvement en fait je le joue beaucoup. En fait, en gros, c'est je me centre d'abord, donc c'est, je sais pas, des mouvements, d'étirements et tout ça, mais de qui, selon les moments, peuvent être très différents. Ça peut être du kung-fu, du yoga, ou je sais pas quoi. Juste, en fait, pour me recentrer par rapport à l'état de base dans lequel j'étais. Vraiment, pour arriver à ce qu'on appelle un état neutre. Donc, de disponibilité, en fait. Et après, c'est voir quel est l'état du personnage, qui est ce personnage-là, et après, le jouer beaucoup, et comprendre vraiment par où le mouvement passe. C'est-à-dire, la petite fille qui tape avec le baston sur le sol, en fait, je l'ai fait, je sais pas, des dizaines de fois, et pour me dire, ok, là, l'aplomb, il est là, hop, ça se passe comme ça, voilà. Donc, c'est un vrai travail physique. Ouais. Metteuse en scène, ça aurait pu pouvoir se dire. C'est un vrai travail physique pour tout toi. C'est vraiment dans le. Ouais. Donc c'est important de travailler en effet sur le bon titre ou de travailler avec des matières. Des matières. Ouais, tout à fait. Ouais. On va faire une petite pause musicale. Je sais pas du tout ça où ça en est. Emily est pas arrivée, mais c'est pas grave. On va continuer de toute façon à discuter. On va faire une pause et on va revenir en arrière. On va écouter la 7 pour Nicolas qui est Erika Badu avec Badouism de son album qui s'appelle Four Leaf Clover. On écoute donc la 7. Merci. voilà, vous avez failli entendre Émilie qui vient d'arriver, qui vient de dire plein de méchancetés sur plein de monde. Non, je plaisante, bien évidemment. Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. On va rappeler le numéro 01 43 71 89 40. Voilà, si ça, c'est pas un duo incroyable. je vous gâte, hein. Vous avez vu Karen O, Billie Holiday, Feist. Et là, vous avez Erykah Badu et il y a eu Kate Bush. Waouh, ça, bon, enfin, voilà, plein de très, très jolies voix, puisque je l'ai pas vu exprès. J'ai trois femmes dans le studio et j'ai que des chanteuses. Je vous promets que non, c'est pas vraiment fait exprès. Alors, on finissait. Ah, on entend un portable. Est-ce que c'est le portable de portable, non, c'est le mien. Ah bon. Pour moi. Et alors, Violaine, on va juste finir avant de, évidemment de commencer avec Émilie. Donc le film fait 12 minutes 30, c'est ça? Ouais. Alors qu'il devait être plus court, il devient un peu plus long, ouais, au départ. Enfin, j'avais lu qu'il était un peu plus court. Le film se termine enfin, il va au festival, on l'a, le producteur, ouais, est content. On pense déjà à un nouveau court-métrage de suite où on se donne le temps de respirer. Non, mais en fait, alors que je le faisais, il y avait des petites idées qui germaient pour le suivant. Donc voilà, je vais commencer à... J'y ai rêvé pas mal, puis je vais commencer à bidouiller, à faire de la cuisine. Comme ouais, ça. Ouais. Toujours en bon titre, toujours... Bah en fait, là, j'avais des images de clair-obscur, hein, un peu à la Cantor. Ouais. Et donc, j'aimerais bien travailler ou en volume, hein, ou en grattage sur pellicule. Enfin voilà, je vais essayer ça. L'idée de la technique, là, est venue... Avant l'histoire, c'est une envie de technique. Non. Et on a envie ou il y a quand même une histoire donne. Ouais. Non, c'est. Excuse-moi. Non, au contraire. Non, c'est. En fait, j'ai envie de travailler autour de peau d'âne. Voilà. Et donc, je trouvais que pour ce propos. Enfin, voilà, tout simplement en pensant à cette histoire-là, j'avais vraiment des images de clair-obscur. En fait, tout ce qui est mis dans l'ombre et tout ça. Alors, je dois avouer, j'ai vu Peau d'âne de Jacques Demy avant-hier. Et j'ai pas aimé du tout. Bah moi non plus. D'accord, ça va alors. Parce que c'est un film que tout le monde adore et on m'a dit non. Oh, t'as pas vu Peau d'âne de Jacques Demy, j'ai trouvé ça quand même assez moi je n'aime pas beaucoup. Assez insupportable en fait et je viens de donner des claques à Deneuve, à Marais, à Jean-Marie, ouais. Enfin j'exagère mais ils sont alors il y a quelques jolies choses mais je trouve que même par rapport à ce qu'on a pu faire Demy dans Les Demoiselles, enfin c'est plus intéressant ou alors dans un enfin j'ai pas acheté bon, il y a pas que moi, ça va. Non, je trouve ça un peu trop mignon pour un sujet aussi raide en fait. Mais voilà. Bon, parfait, alors, enfin bon. Donc, la réalisatrice de court-métrage, ça fait des court-métrages, ça donne des cours ouais, à gauche, et puis ça réussit à s'en sortir. On va dire... je sais pas si on devient jamais super riche, mais on fait des choses super. D'accord, au moins on se fait plaisir. Voilà, ouais. Et puis on rencontre des gens super, enfin, c'est une belle vie. Alors on va passer bien évidemment à Émilie, merci beaucoup à Violaine. Merci, hein. Et Émilie, comme je vous avais dit, vous avez sur The Web Anime et vous aurez sur Bulle de Rêve l'heure qu'on avait passée ensemble en 2007, en juillet 2007, où elle avait passé, où elle m'avait dit à la fin, où évidemment elle a redit qu'elle était un peu stressée, etc. Et à la fin je lui ai dit mais ça s'est bien passé et elle me fait un grand oui. Après c'est une heure donc il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien non, encore aujourd'hui. On va juste, pour lui laisser reprendre juste deux secondes, on va juste en écouter un seul. On va écouter, allez, le morceau 10, s'il te plaît, Nicolas. Thank you. Et voilà, c'est comme ça. Des fois, ça coupe rapidement. C'est les mystères, c'est les voilà. Bon, il aurait dû avoir un petit peu encore un peu plus. C'est pas comme ça. Ça laissera plus le temps de discuter avec Émilie. Alors, j'ai un peu triché, je vous avoue. Car en fait, on n'est pas au 12e siècle. On va voir là où on devrait être normalement avec Bisclavret. On est un peu plus tard. On est au 15e. Hein, c'est un madrigal en fait que vous avez entendu anglais. Les madrigaux, c'est à peu près. Ça commence à partir de 1520. J'ai bien appris ma leçon. Et on écoutait un groupe qui s'appelle Miranda Sex Garden. C'est un album de 91 s'appelle Madra. Elles ont beaucoup changé par la suite, mais au tout début, elles ont fait beaucoup voilà de. C'est un album complet avec que des madrigaux que. Qu'elles ont fait en 91. Alors voilà, pourquoi? Évidemment, tout à l'heure, on a commencé avec un accouchement, Kate Bush, un accouchement pour parler du film de Violaine. Là, on parle car on se retrouve donc au 12e siècle avec un poème, pas un poème, un lait, ce qu'on appelle voilà, le lait du Bisclavret de Marie de France, 12e siècle. C'est quoi l'envie? On va. Juste, vous pouvez tout savoir, hein, je vous ai dit, le fait qu'elle a commencé à Saint-Luc, son travail dans la série, les travaux avec Sébastien Lodenbach, etc. Toute la vie animée, en tout cas, hein, d'Émilie Mercier, et dans ces 50 minutes que vous avez dans l'autre émission, donc on a une demi-heure, on va carrément parler là de Bisclavret. C'est pourquoi cette envie sur cette chose qui vient, cette histoire qui vient du 12e siècle. On veut le début de l'histoire, c'est que quand j'étais étudiante à Saint-Luc, je me suis dit, un jour, il faudra que je trouve une histoire à raconter qui puisse être racontée en vitrail pour faire un livre pour enfants. Donc l'idée de travailler sur le vitrail, c'est une idée visuelle qui préexiste à tout, et il m'a fallu encore à peu près 10 ans pour trouver un texte dans une librairie en me disant oh, c'est exactement ce que je cherchais. Donc j'ai gardé longtemps l'idée sans rien en faire, jusqu'à un coup de foudre pour un texte, en visitant le musée du Moyen-Âge à Paris, dans le bookshop, voilà. Oh, le Marie de France, tiens, c'est qui? Voilà. Et donc le coup de foudre pour ce lait du Bisclavret. Alors un lait, c'est un long poème. Oui. Hein, voilà. Et là, la langue utilisée, c'est un dialecte anglo-normand, ce qui fait que si on la lit, j'essaie de la lire, on n'y comprend rien. Exactement. En fait, moi, j'utilise une traduction magnifique, d'ailleurs, de Françoise Morvan. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque où j'ai trouvé ce texte, il était en prose. Et comme il n'y avait pas en face l'original, je savais pas que c'était un poème. En fait, on a retrouvé que 12 lettres de Marie de France. Elle a sans doute écrit beaucoup plus, mais on a retrouvé que ces 12 poèmes. À la base, lait signifie adaptation d'une tradition orale transmise par le troubadour. Donc, à la base, c'est une chanson qui est passée dans la tradition écrite via Marie de France. Voilà. Et c'est cette forme poétique très précise, le lait. Alors, c'est un petit peu difficile. On fait un exercice qui n'est pas facile, parce que je n'ai pas vu, malheureusement, Bisclavret. Je le verrai dans quelques heures, comme j'espère certains d'entre vous quand vous viendrez au-dessus des Ursulines, alors que j'avais vu le son nom plusieurs fois, donc c'était plus facile évidemment, donc on va avancer un petit peu, voilà, même si j'ai vu des images, même si là aussi sur le site vous pouvez au moins voir un extrait de 40aine de secondes pour vous donner un peu l'idée de ce que peut donner le film. Donc, comme tu l'as dit, c'est un recueil de 12 cours. Et normalement, ce que j'ai lu, c'est qu'en général, ça parle d'un amour courtois. C'est ce qui est marqué sur Wikipédia. Sauf celui-là. Enfin, il y en a peut-être d'autres dans les 12. J'ai pas lu les 12, oui, mais en tout cas, celui-là. Et d'ailleurs, je me suis longtemps demandé à la lecture de, bon, à l'époque, donc, des 12 laits en prose. Pourquoi est-ce que j'avais immédiatement réagi plus fort à celui-là? Et je pense, enfin, que l'une des explications possibles, c'est que il est très direct, il fait jaillir beaucoup d'images dès la lecture, enfin, dès la première lecture. Il a quelque chose de plus simple, de plus, je sais pas, quelque chose qui fait que c'était évident que c'était celui-là. Les autres sont plus complexes, assez sophistiqués comme écriture. D'ailleurs, par la suite, j'aimerais bien en adapter un autre, mais je suis consciente que les autres ne sont pas tout à fait écrits de la même façon. Comment t'as travaillé? Comment on scénarise un poème comme ça Alors, pour en faire un court-métrage. Bah, j'ai tourné autour beaucoup. Je savais qu'il y avait il y avait vraiment énormément de matière et j'ai risqué de faire un long-métrage. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à écrire le scénario d'abord pour, justement réussir à synthétiser le propos. J'ai mis des années avant d'oser raccourcir le poème. Donc, en principe, je comptais ne rien changer dans le poème si ce n'est travailler par omission de certains vers. Et c'était aussi pour laisser de la place à l'image. Plutôt que d'avoir un texte off, qui serait redondant avec ce qu'on voyait, je me disais, certains vers que je retire, l'image prendra le relais de ce qui doit être raconté. Tout au départ, je voulais faire un film complètement sans parole. Je voulais pas qu'on entende le poème, mais juste en retranscrire le contenu et l'émotion. Sauf que, avant même l'écriture, j'ai commencé à dessiner et je me suis vite rendu compte que sans parole, il fallait être plus explicatif au niveau des images et que ça allait devenir vraiment, vraiment beaucoup trop long. Donc, quand j'ai vu que la longueur, j'arrivais plus à la contrôler, je suis revenue à une version avec un poème dit. Au début, je voulais qu'il soit chanté, ce poème. Puis finalement, je me suis dit, non, parce qu'en fait, on m'avait dit, oh, la voix off, c'est archi bateau. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, alors je vais essayer d'être un peu plus original. Revenons donc à la forme chantée du poème du troubadour, puisque finalement, c'était pas une trahison, puisque ça revenait à la forme initiale de l'œuvre, juste en ajoutant du visuel. Puis finalement, je me suis rendu compte que, au niveau du rythme, c'était tellement complexe, il aurait fallu écrire d'abord une chanson, puis caler les images très précisément sur la musique. Dans la mesure où, pour la maquette du film, donc pour l'animatique, la musique n'était pas écrite, donc du coup j'ai lu le poème, et ça a donné un rythme dont il était absolument plus possible de se séparer ensuite. Donc voilà, j'ai dû revenir vers Hélène Vessière d'Arte en disant ce passage-là de ma note d'intention, finalement on va le mettre à la poubelle parce que là je peux plus reculer, on va avoir un poème en voix off. J'allais te dire, quand il y a tant de changements que ça, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont suivi? Et tout à l'heure Violaine nous parlait de personnes très importantes qui l'ont aidé, dans Olivier Gilon et donc François Darras, que tu connais, Émilie, qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont, voilà. Est-ce que toi, il y avait des gens comme ça, ou est-ce que t'as tout le temps, elle a été toute seule, contre vents et marées? Non, alors, je dois dire, j'ai été soutenue vraiment par mon producteur principal, Pascal Lenôtre, et beaucoup aussi par Hélène Vessière, qui a été vraiment très importante pour le déclenchement du projet, par son enthousiasme. Je pense qu'elle a beaucoup entraîné Folimage à suivre, même si Folimage avait déjà le projet en main et m'avait déjà dit que oui, ça les intéressait à peu près. L'enthousiasme d'Hélène Vessière a compté pour que ça devienne concret, toutes ces propositions. Parce que toi, tu travailles, quand t'es venu en 2007, tu travailles pour Folimage. Exactement. Ouais. Donc tu travailles sur. C'est ça, j'ai commencé. Des longs, des voilà, séries. Voilà, c'est ça. J'avais déjà occupé plusieurs postes de technicienne. J'étais là depuis à peu près 6 ou 7 mois quand j'ai déposé mon projet à la résidence. Et on m'a dit, ah non, tu n'as pas obtenu l'unanimité, donc tu ne peux pas faire la résidence. Et en fait, finalement, ça s'est bien enchaîné parce que la résidence de Folimage contraint les auteurs à essayer de surtout ne pas dépasser 10 minutes. Normalement, c'est 7, 10 maximum. Et finalement, je suis arrivée à 15 minutes de film, 14:46 très précisément. Donc, je pense qu'ils m'auraient honni si j'avais fait ce film à travers le dispositif de résidence. Tu nous disais, 14 minutes 46, tu nous disais que heureusement que tu avais eu du beau monde avec toi et des gens qui ont travaillé avec toi pour t'aider. On est un peu dans quelque chose de différent de Violaine qui, elle, travaillait seule, même s'il y a des gens qui l'ont aidée, mais pas pour l'animation. Toi, heureusement qu'il y a des gens qui t'ont... Oui, tout à fait. Bah, grâce à Folimage et aussi au financement qui permettait d'avoir une masse salariale, on a été jusqu'à 6 dans l'équipe en même temps. Mais c'est vrai que l'équipe, elle va et vient. J'ai travaillé quand même des mois et des mois toute seule. Puis tout d'un coup, j'ai été rejointe par Yuri Tcherenkov au Pantin et Zoya Trofimova au Layout. Ouais, vous voyez pas dans, voilà, vous voyez, en effet, qui sont deux réalisateurs aussi de... Ouais, que, voilà. Donc à ce moment-là, on a été 3 pendant quelques mois. Et puis un mois et demi, 2 mois. Et puis finalement, il y a tous les animateurs qui sont arrivés, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas animatrice, donc ça, c'est un poste que j'ai entièrement délégué. Et là, pour le coup, il y a eu 4 animateurs. pas à plein temps. Sébastien Lodenbach a travaillé sur une sur quelques plans, alors que les autres ont travaillé 3 mois. Donc il y a eu il y a 5 animateurs dont Sébastien, c'est ça. Parce qu'en fait, Yuri Tcherenkov, quand il a eu fini les Pantins, qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, il a pu enfin venir à l'animation, ce qui était prévu depuis le début, mais finalement, les Pantins nous ont pris tellement plus de temps que prévu que Yuri n'a pas pu, il a pu animer que quelques scènes, alors qu'il avait un poste à plein temps d'animateur pendant 3 mois, et en fait, il a fait 3 mois de Pantins. C'est du beau monde. Est-ce que les gens, c'est toi qui les a demandé? Les gens viennent, comment ça se passe? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a dit, engage qui tu veux. Ok. Wow. Non, c'était du grand luxe. J'estime que j'ai été dans des conditions idéales pour travailler. Et effectivement, vraiment, la collaboration avec tous ces grands artistes se voit beaucoup dans le film. Zoya, notamment, m'a aidé à faire une transition difficile. Moi, j'avais des images préparatoires qui étaient toutes des équilibres très simples, de composition très simple. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments dans chaque image pour que ça tienne. Or, dans mon storyboard, il y avait certains décors qui étaient tout à fait au point, qui sont restés tels quels dans le film final, mais d'autres où, mince, comment est-ce que je vais faire la grande salle de l'auberge et la salle du banquet, que des espaces assez vastes que je ne savais pas comment passer d'une composition avec 3 lignes, un escalier, une porte, à tout d'un coup des tentures, des colonnes, des carreaux, des tables, plein d'objets dessus. Enfin, c'était pas du tout le même type d'image, et c'est vrai que là, la collaboration avec Zoya a été fructueuse. Elle a su vraiment rentrer immédiatement dans le style visuel que j'avais défini, ce qui m'a tout de suite prouvé que j'avais choisi exactement la bonne personne, parce que on s'est vite comprise graphiquement. Et d'où finalement l'importance. Oh, c'est très intéressant d'avoir Florentine, c'est un peu Violaine, des gens qui sont aussi animateurs, mais c'est intéressant d'avoir finalement des réalisateurs non animateurs et qui finalement vont faire équipe, et ça peut faire évoluer, en tout cas faire changer l'animation dans un autre style aussi. Il y en a de plus en plus, on le voit en long métrage, en court métrage. J'ai suffisamment cité Franck Dion ici, mais en tout cas, il va m'en vouloir. Mais il y a plein de gens, et évidemment en long métrage, on en a plein récemment. C'est important. Violaine, tu penses que d'avoir des gens comme ça qui soient hors animation, non mais que ça peut ramener une. Oui, je pense un autre regard sur l'animation. Ça c'est très bien. Ouais. Florentine, rapprochez Florentine. Elle s'occupe de tout, elle rapproche, elle prend les photos. Julien a raison, un autre regard, c'est très important. Ceci dit, bien que je ne sois pas animatrice, j'avais une idée extrêmement précise de ce que je voulais comme mouvement et comme style d'animation. J'ai d'ailleurs eu assez de mal à transmettre cette idée. Parce que comme je voulais quelque chose d'extrêmement sobre, on a refait beaucoup de choses pour les simplifier. En fait, les animateurs avaient beaucoup de mal à comprendre que quand j'écrivais noir sur blanc sur le storyboard, où tout était très précis, il n'y avait même pas besoin d'en parler, c'était décrit dans les action notes, que quand il y avait écrit pas d'animation, je voulais vraiment pas d'animation. Donc quand à la fin, elle secouait ses cheveux tout en clignant, tout en faisant eh bien non, je suis désolée, on va tout mettre à la poubelle. Parce que même si c'est des changements infimes, si on met bout à bout tous ces petits changements, l'esprit de sobriété se perd. Non mais d'où l'importance, t'es réalisatrice, et à quel point je dis, on est, il dit peut-être pas, enfin il y a pas mal de profs, ou de gens en tout cas qui travaillent en prof aussi autour de cette table, et c'est vrai que c'est toujours aussi la complexité de dire aux étudiants ce qu'on disait, dire qu'est-ce que vous avez envie de dire, et que l'animation est juste un moyen en soi de raconter des choses ou pas des choses, en tout cas de transmettre, que ça soit sur un sentiment, des sens ou des choses comme ça, et que finalement en effet on peut ne pas avoir d'animation, alors qu'un animateur qui sait très bien animer va toujours avoir une envie d'en rajouter un peu. Voilà, et en plus il y a deux impacts sur ces choix d'animation ou de non-animation. Quand c'était animé, je voulais que ça soit assez subtil, bien senti, que l'animateur comprenne bien exactement ce que je voulais. Quand il n'y avait pas de mouvement, j'en voulais pas du tout. Donc effectivement, il y a un résultat artistique que je cherche à atteindre, mais aussi un résultat économique. Comme le quota était assez fort, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent malgré tout, même si on en a eu quand même pas mal, mais comme le film a grandi, mine de rien, on n'en avait pas tant que ça. Comme le quota était assez fort, le nombre de secondes par jour, qui était de 6,5, je crois, ce qui était énorme, mais sauf qu'on avait fait des choix techniques et artistiques pour que ça soit faisable, et si les animateurs commencent à faire autre chose que ce qu'on leur demande, alors tout notre calcul s'écroule. Donc il fallait aussi respecter pour ces raisons-là, ne pas mettre d'anime, ne pas perdre de temps à en faire quand j'en voulais pas du tout, et qu'à la fin, effectivement, je l'ai supprimé. Alors, c'est un peu difficile de parler d'un... C'est toujours la complexité, parce que quand il y a une histoire, quand il y a une histoire qui est un peu plus sur les sens, comme le film de Violaine, c'est, on peut dire des petites choses, et puis à la rigueur, si les gens le voient, vont pas, alors que toi, il y a une narration, et je trouve d'ailleurs que le synopsis sur Folle Image en raconte presque trop. C'est difficile, c'est dur, parce qu'à la fois, on a envie d'en parler, puis on se dit, ben non, il faut que les gens le découvrent. Est-ce que les gens vont pouvoir, à part ceux qui vont venir ce soir, il y a ceux, il est en panorama, en hors compétition panorama à Annecy, j'espère qu'il va être dans plein de festivals évidemment et qui va si c'est gentil qui va fonctionner non mais attends de le voir, faut que je le voie, voilà, c'est ça. Est-ce que comme il est produit par Arte, on risque de voir comme sur le film de Violaine sur le site? Oui, tout à fait, en fait il sera, j'imagine que toi aussi Violaine, ton film sera diffusé pendant le court-circuit spécial Annecy. Ben moi ils l'ont montré, je sais plus quand. Non, il est déjà passé, ouais, en fait. Horreur, je l'ai loupé. Mais il est sur, malheureusement, je l'ai mis, il est sur Internet, il est sur le site d'Arte. Non, mais j'attendrai de le voir au cinéma quand oui, même. Oui, il vaut mieux le voir sur. Ouais, il marche mieux. Mais comme tous les films, hein, c'est fou la différence. Bah, pas tous. Non, mais c'est vrai, on est à la croisée des chemins entre plusieurs expressions, plusieurs supports. Il y a des films qui supportent d'être vus en tout petit et d'autres qui ne supportent pas. Voilà, le travail sur la matière, la lumière, le peu. En tout petit, il reste plus rien. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça change complètement. Donc, on n'en parlera pas trop, mais c'est une histoire d'amour, en tout cas, voilà, un petit peu difficile et une histoire un peu fantastique. Oui, c'est vrai. C'est, en fait, sous des dehors d'histoires fantastiques, pour moi, c'est surtout une histoire de couple. C'est une histoire sur la relation homme-femme, sur la position de la femme dans la société. C'est plus quelque chose entre les êtres que le côté fantastique qui est important dans cette histoire. Mais justement, ce qui est drôle, c'est de savoir que cette fameuse résidence de Folle Image pour laquelle j'ai été écartée, c'est parce que le producteur canadien a dit « c'est une histoire de loup-garou, c'est stéréotypé les loup-garous, j'aime pas ça ». Mais c'est tout sauf stéréotypé parce que ça raconte pas, même si ça en prend les allures, en fait ça raconte complètement autre chose. C'est une vraie série B. Les vraies séries B américaines, elles sont comme ça. On croit qu'elles racontent une histoire juste fantastique et en fait derrière il y a toujours autre chose de plus derrière, sauf que les séries B ça plaît pas parce que c'est pas assez, voilà, il faut être fou sérieux. Faut être fou dans un sens ou un autre. Alors c'est drôle parce que quand vous savez que vous allez venir toutes les deux, et là elle ne sait pas ce que j'ai, donc forcément elle est en train de se dire voilà, il y a Florentine qui m'a dit ouais mais c'est super intéressant de l'avoir les deux, évidemment duo, c'est super, je sais pas ce qu'elles ont fait avant, et là elles font un court métrage à un moment donné, c'est étonnant que elle essaye de faire 3 courts métrages dans l'année et d'un seul coup elle a 2 personnes en face d'elle qui ont pris du temps pour faire des courts métrages, qui ont mis vraiment un temps. Je posais à Violaine en disant c'était important de prendre du temps pour faire son court métrage, elle a travaillé avec Florence Millaille, enfin elle disait, toi tu nous disais à quel point c'était important pour toi d'avoir travaillé pour la série, que ça avait beaucoup beaucoup apporté et que voilà, par rapport au court-métrage même, c'était important pour toi d'avoir pris tout ce temps-là pour le faire. Aujourd'hui que le film est terminé, c'est... Ah oui, je confirme, j'étais absolument pas prête à raconter l'histoire avant. Déjà, j'ai mis des années à la comprendre. Ça paraît bizarre, mais pour moi, cette histoire, elle est tellement riche. En fait, j'ai fait comme tout le monde. Au début, j'ai lu le premier degré, puis après, je me dis, ah tiens, est-ce que ça pourrait vouloir dire ça? Mais il m'a fallu assez longtemps pour mesurer tout ce qu'il pouvait y avoir, et c'est ça qui m'a inspirée aussi pour faire le film, mais voilà, comme ça a mis longtemps à monter au cerveau, du coup la digestion a été lente aussi avant d'oser se dire qu'il y avait bien assez de matière pour essayer de faire quelque chose au-delà de l'anecdote, je pense. Mais bon, ceci dit, pardon, je rajoute juste une petite chose, beaucoup de gens finalement me disent ah bon, il y a un second degré, ils le voient pas du tout, donc mes efforts ne passent pas auprès de tout le monde, et curieusement d'autres personnes me disent ah mais ça veut dire ça et ça forcément, je dis ah oui, génial, et que quand même quelques personnes, ça leur semble évident qu'il y a une lecture au-delà de l'anecdote pure, parce que elle est là, l'anecdote pure, elle s'adresse aux enfants. Mais j'ose espérer que les adultes y verront entre les lignes tout ce que je pense que Marie de France y a mis, parce que c'est vraiment évident quand on lit le poème qu'il est extrêmement malicieux, très espiègle, et voilà, et finalement très adulte. Sauf que est-ce que c'est pas l'importance, on parlait encore une fois, il y a un vrai parallèle là qui s'établit par rapport au sans nom, du fait qu'en effet je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont vu le sans nom et qu'ont peut-être vu juste une histoire d'un personnage qui partait d'une grotte, ouais, et qui se retrouvait sur la plage avec, voilà, quelqu'un d'autre, sans forcément y voir quelque chose d'autre derrière. Oui, mais je pense qu'il y a des gens même qui m'ont dit, en fait c'était super beau, mais on n'a rien compris. Et donc j'aurais dit, mais vous avez senti des choses? Ah ouais, on a senti. Donc voilà, c'est bien. Il y a un reportage d'un Colombien que j'ai vu récemment sur internet et qui disait que quelqu'un n'arrivait pas à lui dire ce qu'elle avait ressenti dans son film qui fait de l'expérimental et qui lui disait à un moment donné juste et qui lui montrait le ventre et qui disait juste, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, et il disait, bah c'est bon si ça vient de là, enfin si vous avez ressenti quelque chose là, il y a besoin forcément de mettre des mots, mais que c'est important. Moi j'avoue que le sans nom, j'étais obligé de le voir, mais je crois que c'est ça qui est important aussi au cinéma de toute façon, hein, le sans nom, j'étais obligé de le voir, j'avoue, 2-3 fois avant de me mettre, parce que c'est l'un des problèmes. Il faut le reconnaître aussi de l'animation, c'est qu'on peut s'arrêter à la beauté esthétique du film et finalement on se dit waouh, c'est super beau, et se perdre. Moi, le nombre de fois où je me suis perdu dans les films d'Alexeyev et Parker sur en écran d'épingle et sans jamais rien comprendre, et au bout de 3 minutes me dire c'est beau. Pour venir, Émilie. Ah, c'est exactement pareil. Souvent, l'animation, je comprends pas l'histoire au premier regard, tellement je suis sous le choc visuel, et il me faut toujours 3, 4, 10 visions. Donc voilà, je pense que l'animation, c'est quelque chose d'assez dense, et je pense que cette densité, elle vient notamment de la disproportion entre le temps de fabrication et le résultat. Donc je trouve absolument normal qu'on ne saisisse pas tout au premier regard, et je pense que c'est fait pour, et que c'est très bien comme ça, parce que du coup ce sont vraiment des perles, des bijoux à savourer lentement pour que le goût arrive. La question bête, certains diraient peut-être que j'ai que des questions bêtes, mais alors vraiment là, la question vraiment bête, quand on a fini son film, on est content, on est contente d'avoir enfin fini son film, est-ce que... Parce que tu disais, c'était intéressant, tu disais, il y a Marie de France qui a écrit d'abord le... Toi, t'en as fait une autre version. Tu dis, elle a mis ça, mais on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. L'important, c'est que Émilie Mercier, à un moment donné, a pris un matériau, elle l'a transformé en autre chose, et que là, tu vas le donner à des spectateurs qui vont le transformer encore. Absolument. En autre chose. Est-ce que c'est quelque chose, tu l'as dit un petit peu, qui t'inquiète beaucoup? Par exemple, il a déjà été montré, ce soir il va être montré, ou non, au contraire, t'as vraiment hâte de cette rencontre entre le public et... Ah bah oui, j'ai hâte, bien sûr. Non, mais c'est génial, au contraire, que les gens rééclairent vos intentions d'une façon ou d'une autre, finalement. Même si c'est pour les simplifier, c'est bien aussi, pourquoi pas. Non, en fait, je suis vraiment très impatiente des retours des enfants. Ça me fascine complètement. Et le peu d'enfants qui ont vu le film jusqu'à présent, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, ce sont surtout les enfants de mes collaborateurs. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils aient 5 ans ou 12. Apparemment, ils sont scotchés à l'écran, ils font pause sur le DVD pour redessiner les scènes du film, à différents âges. Donc, j'espère que cette petite constatation à petite échelle pourra se confirmer, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup fait pour les enfants, mais en espérant qu'effectivement les adultes y prendraient plaisir aussi. On a combien de temps, Florentine? Wow, encore 3 minutes. 3 minutes, générique compris ou pas Non, c'est 5 minutes avec générique. 5 minutes avec générique, d'accord. Alors voilà, le film est terminé, ça y est, enfin. Oui. Après qu'on t'ait embêté, parce qu'il faut quand même que je vous le dise, vous le savez, Émilie, parce que Florentine me disait, mais oui, quand même, t'as vu, elle a pris du temps pour faire son cours, et je lui dis, oui, mais c'est pas pour rien, on l'a embêté, hein. Je peux vous dire qu'à quel point on l'a embêté pour dire, faut que tu fasses un cours, etc. Donc maintenant, on est content, on va le voir et... Ah oui, moi aussi, je suis contente quand même d'avoir enfin accouché. Le prochain là, le prochain lait que tu vas faire, il est déjà dans les tuyaux de la production ou non? Là, t'es juste... Non, pas du tout. En fait, je leur en ai même pas parlé. Voilà, mais ça me semble aller de soi, en fait. Non, en fait, c'est vrai que voilà, comme tout le monde, en faisant un film, on a l'envie d'un autre. J'ai 2 autres idées de graphisme qui n'ont rien à voir, sur des histoires qui n'ont rien à voir non plus. Mais c'est vrai que en même temps, j'aimerais bien également persister dans dans l'exploration de Delay ou d'autres textes médiévaux avec ce style. Et peut-être même, je sais pas, j'en ai pas du tout encore parlé avec les producteurs, mais peut-être même séparer finalement le film qui s'adresserait aux adultes et celui qui s'adresserait aux enfants, décliner le graphisme vraiment pour les enfants et pour plus justement qu'il y ait peut-être cette ambiguïté. Moi, je l'aime assez, cette ambiguïté, mais c'est particulier au court-métrage, en fait, et peut-être que je vais creuser ce graphisme médiéval mis au point dans deux différentes directions. Alors là, c'est vraiment la question très personnelle. Moi, Émilie, je te connais depuis un bout de temps, et la première fois que je t'ai vu, voilà, c'était à Annecy, t'étais de l'autre côté, ça fait un bout de temps, et là, est-ce que d'un seul coup de passer, ça va être à ton court-métrage, le film va passer à Annecy, tu passes de l'autre côté, tu vas être avec de l'autre côté avec les réalisateurs, et donc il y a peut-être des gens qui vont dire oh, c'est toi qui as fait ce film là, etc. Juste vraiment la question un petit peu, ça fait quoi, c'est agréable, en fait, c'est tellement de la folie que je pense que je ne réalise pas du tout, je m'en fous et on verra bien. Non, par contre c'est vrai que j'ai envie d'aller à la rencontre des publics. C'est normal parce que quand on a passé tant de temps, on l'a pas fait pour soi-même, on l'a fait pour communiquer avec autrui. Donc déjà, si je rencontre des publics enfantins, je serais vraiment enchantée. Bon, bah merci beaucoup Émilie, merci beaucoup à Violaine. Merci. Merci forcément à Florentine, mais vous le savez, de toute façon, je ne serais rien, bien sûr, sans Florentine, une émission qui n'aurait pas eu lieu encore grâce à elle. Et n'oubliez pas, bulle-de-rêve.com, oui. Avec un S à bulle, un S à rêve. Et on va finir, et on pourra couper, hein, comme d'habitude, le générique. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais comme quoi, on va finir, on a eu des femmes qui chantaient, on va finir avec un chant d'enfant. Comme quoi, un chant qui s'appelle alors je suis désolé pour la prononciation, Sidje Nieti Febana, qui est un chant sénégalais, tiré d'un CD qui s'appelle Travelogue Sénégal, et qui fait normalement 1 minute 38, donc qui est assez court, on devrait être bon. Et pour te dire, qui est la piste 11, et j'en profite pour remercier bien sûr Nicolas à la technique qui nous aide, et surtout qui m'aide moi à essayer de maintenir les choses en place. Merci infiniment, et on vous retrouve peut-être ce soir au studio des Ursulines, pour ceux qui viendront voir le film d'Émilie et Florentine. Ou mi-mai ou début juin, voilà. Bon, on reviendra de toute façon. Merci beaucoup et donc à très vite. Bye bye. Tama tama fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana tammu giya mare tammu giya mare pir al zamma tabiti ala tiki zamma tabiti ala tiki zamma tabiti ala tiki zamma tabiti ali met fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana sigiyat fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana sumu sumu fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana tama tama fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana tammu giya mare pin al zamma tabiti aga biti zamma tabiti aga biti zamma tabiti aga biti zamma tabiti ai met fe baya bandi kana baya bandi kana mata bandi kana sigiyat fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana sumu sumu fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana tama tama fe baya bandi kana baya bandi kana baya bandi kana tammu giya mare tammu giya mare pit al zamma tabiti aga biti zamma tabiti aga biti